solaire, c'est tout l'été, vous l'avez entendu tout l'été. Lundi, c'est Kinvé. Et on a un autre invité aujourd'hui. Aujourd'hui ? T'as pas l'air au courant. Ah, si, bien sûr, on a Pitbull. Ah bah voilà, merci. Pitbull et Alvaro Soler, c'est ouf, non ? Énorme. C'est mission. I don't want you. You know you want me. On est hispanique ce soir. Ouais. Ah, merde. Attention là. Ils ont les espagnolos. Bah, comme hier, hein. C'est Portendas. Alex Ayono, Il y a eu la période, les Québécois envahissent la France, s'arrêtent les Espagnols maintenant. Ouais, ça y est, j'ai l'impression. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Bientôt, ça va être comme Miami, les gars, il n'y aura plus de panneaux français, ça va être panneaux en espagnol. Tu sais qu'à Miami, tout est en espagnol maintenant. C'est vrai. Ah ouais? Ouais, bah ouais, c'est moi qui ne parle pas vraiment espagnol, j'ai un peu galéré. Comment ça se fait que. Que je parle pas espagnol? Ouais. Bah, j'ai pas appris ça à l'école. Ah, non, il a fait allemand. Allemand. Quelle idée de merde. Oui, c'est clair. Ah bah, à part rouler en Mercedes et voir c'est les pièces détachées un peu plus facilement, non, ça sert pas à grand chose. Ah, non, je confirme. Moi. L'allemand. Et c'est parce que moi j'étais à une période où tes parents disaient ouais. Apprends l'allemand. C'est vachement bien pour le business et l'Europe. Non, et en fait, tu te rends compte quelques années après qu'en Europe, personne ne parle allemand. Non, c'est l'anglais. C'est moche. Parce que déjà, tous les Allemands parlent anglais. Ouais, même eux refusent de parler leur langue. Même eux, ils trouvent ça pourri. Non, c'est trop trop moche. Alan Walker dans quelques jours, mercredi. Et jeudi prochain, Kenji. Et on aura MHD qui va venir, ça va être énorme. Énorme, on a foutu ce téléphone. Passez-nous un coup de fil. 0860. Oh merde. 0870 à côté. 42-48. Vous nous passez un petit coup de fil. Vous aurez Stouff et vous aurez Mika. Ça va les deux? Ouais. Vous êtes heureux? Ça va. Vous êtes en forme? Vous avez déjà copulé ou pas encore? Bientôt. Mika, il attend que ça. Hein. Mika, il est chaud patate. Et pour l'instant, Stouff est dans la résistance. Ouais. Mais contre une bière sans alcool, elle craquera. Ouais, elle craquera. Tu fais pas d'effort, Mika. Je ça va, Maju. On a passé une belle semaine. Hein. Oui, c'est vrai. Cette semaine, je l'ai pas vu passer. C'est non, un truc de malade. Très vite. Pietro, ça va toi? Ouais, tranquille. Tu vas faire quoi ce week-end? Oh putain, c'est chargé. Je fais le prix du Qatar qui est à côté de chez moi cette année là. La grande course là où il y a tous les chevaux, courses de chevaux, c'est un qu'est-ce truc que tu vas y faire? C'est juste le truc le plus prestigieux du monde, la course. Tu raison de plus, qu'est-ce que toi tu vas y faire? Parier. Bah ouais, je vais parier, je vais perdre des sous encore. Bon, vous avez vu cette nouvelle tendance là, ça y est le cancer du poumon. Vous savez, malheureusement, il y a des gens qui nous écoutent. Voilà, la tendance. Parce qu'il y a des gens. C'est vrai, le cancer du poumon challenge. Excusez-moi, on n'arrête pas de dire, là, le cancer du poumon, si vous fumez, vous allez avoir un cancer. Oui, mais ça, c'est old school. Ouais. C'était avant. Ah bon? Pourquoi? Parce que maintenant, il y a la version 2.0. Vous avez vu la cigarette électronique qui explose? Non. Ah, j'ai entendu parler. Il y a un mec, tu lis pas les journaux depuis 3 jours, toi. Non. T'as un mec qui s'était assis sur sa cigarette électronique, et la cigarette électronique, elle a explosé. Oh merde. Ah. Le mec s'est fait brûler le cul au 3e degré, le siège, il y en a plus. Merde. À cause de la batterie, à cause de la cigarette électronique. C'est le cancer 2.0. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Avant, ça mettait des années, t'étais malade, c'était horrible. Maintenant, tu te fais exploser le cul, ça dure 2 minutes. Je fumerai plus, hein. Je fume là, c'est bon, j'ai compris. Hein. Non, mais c'est un truc de malade quand même. C'est vrai. Moi, ça me fait flipper, ça. Bah, de toute façon, excusez-moi. Je démarre cette émission en étant ronchon. Vas-y. Mais à un moment donné, ça vous dérange pas, vous? Pas toi, moi, toi, vous fumez pas comme ça dans cette équipe. Mais ça dérange personne d'aller acheter un petit fluide que vous savez pas ce qu'il y a dedans. Chimique. Ouais. Fabriqué dans un pays que vous ne savez même pas où est le pays. Vous avez même pas vu si les mecs ils se lavent les mains ou quoi. Ils vous remplissent une fiole transparente et ça sent bizarrement la violette, le coquelicot, le chewing-gum. Mmh. Et vous fumez ça et vous dites non, c'est moins pire que la cigarette. C'est vrai, t'as raison. Et ça vous fait pas peur? Non, mais déjà, une cigarette qui se recharge en USB, déjà, c'est chelou à la base. Ouais, c'est vrai, c'est un cancer de la clé USB. Bon, faut que je vous dise un truc. Je ne démarrerai pas cette émission sans vous dire un truc sur Lady Gaga. Oui. Parce que ça fait longtemps qu'on parle de Lady Gaga, que Lady Gaga va venir, machin, etc. Et je commence à voir la rumeur arriver sur les réseaux sociaux. Oui, il paraîtrait qu'elle vient plus et tout. C'est vrai qu'à l'heure à laquelle nous vous parlons, elle ne vient plus du tout en France. Oui. C'est pas qu'elle vient plus chez nous, c'est qu'elle vient plus du tout. Elle fait plus sa promo en France. Alors là, vous allez nous dire les Gaga, les Monsters, les Gagateuses. Vous allez dire oh ouais, mais alors on est en train, je vous dis tout, hein, je vous dis tout, je vous cache rien, on est en train d'essayer de partir faire l'émission à Londres avec Lady Gaga. Ouais. Mais parce qu'on va être sûr aussi, si c'est pour qu'on arrive là-bas avec nos valises et que ce soit, ah bah non, parce que finalement c'est en Italie, tu sais qu'on n'arrive pas à bouger. Donc et on emmènerait avec nous des fans et des auditeurs de l'émission et des fans de Lady Gaga. Ah, quand même. Voilà. Qui en plus irait à Londres. Oui, ça serait l'occasion. Ah, qu'est-ce qui est mieux, Londres sous la pluie ou Paris sous la pluie? Bon, non, mais voilà. Donc, je vous explique on tout. On essaie, hein, vraiment. Donc, vous pouvez passer le message sur les réseaux sociaux si vous êtes fan de Lady Gaga. Donc, on va voilà. Frapper. Je peux pas même pas vous dire là, parce que vous savez, c'est un peu, là on a un peu une dimension de je me lève le matin à 8h, j'ai plus envie de le faire, vous voyez, c'est ça. On est un peu dépendant, tout le monde est dépendant, donc tout le monde a envie, Mais pour l'instant, elle reste à Londres et elle bouge pas de Londres. Donc, si on peut, pour l'instant. Si on peut, on y va. Parce que bah, nous aussi, on a des trucs à faire aussi, quand même. Si on peut, on y va. On se fait un bout d'émission et on emmène des fans avec nous. Oui. Voilà, comme ça, je vous ai tout dit. Vous savez exactement tout. On aura une exclue tout à l'heure. On peut dire ce qu'on va mettre en exclu, le nouveau. Ah bah oui. Oui, on peut. Oui, bien sûr. Vous découvrirez le nouveau David Guetta. En exclu, vous l'aurez tout à l'heure, ça nous fait plaisir. En gros, dès que vous écoutez cette émission, bon, à moins que David Guetta nous passe un coup de fil, nous dit non, je vais bloquer à Londres, tout peut arriver. Tout à l'heure, on aura qui, Julie? On aura plus de bulles et. Ouais, et. Alvaro Soler. C'est ça qui est bien. T'as la nana, elle ne sait plus du tout. Ah, je suis perdue. Voici Nicky Jam sur Énergie. On est vendredi soir. Ça y est, c'est le week-end. Tú te llamas, yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbiando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Me voy acercando hacia ti y te digo suave el oído. Escúchame, mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso, mami. Yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Me muero por llevarte. ¿Cómo tú te amas? Yo no sé. Coeta, San Giuliano, Pietro, Juan Pietro, El Gagatos, and Stufinas, El Micos, El Micos, El Micacas, El Coetos, El Coetos, El Coetos, Osta Namianas, El Chibros. Ah, c'est ça le nom complet? El Chibros. C'est comme ça qu'on dit. Bonjour, ma Clémence, bienvenue chez nous, t'es en forme, Clémence? Salut Koé, salut toute l'équipe. Ça va, ma belle. Tu sais que ce soir, je suis à moitié heureux, à moitié déçu. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je me dis que tout à l'heure, on aura Alvaro Soler, grand, beau gosse, plein de cheveux. Fait chier. Sexy. Ouais. Mais heureusement pour moi, avant, il n'y aura plus de bulles. c'est rare pour moi d'avoir des invités où j'ai plus de cheveux qu'eux. Ouais, et bien, avec Pitbull, c'est le cas. Alors par contre, on a regardé là, il pèse 150 millions de dollars. Ah bah putain, vous ne vous rendez pas compte, parce que peut-être qu'en France, quand je vous dis pitbull, vous dites ouais, je vois à peu près. Vous vous rendez pas compte, aux États-Unis ouais, et en, la en star Floride, que c'est Miami, pitbull. Hein. Partout, ouais, partout, mec, c'est juste une énorme star. Bon, Clémence, tu nous as envoyé un mail. C'est ça. Très bien. Salut mon coco. Tout d'abord, je tenais à te dire que je te surkiffe depuis des années. J'ai 25 ans et je te suis depuis la méthode Coé. J'enregistrais tes émissions, mais vu que c'était trop tard pour que je la regarde en direct. Bref, je t'écris absolument pas pour ça. En fait, je voulais te demander ton avis et celui de l'équipe au sujet qui me pose beaucoup de problèmes. Je suis infirmière depuis 2 ans à l'hôpital psychiatrique et je voudrais bientôt m'installer en cabinet d'infirmière à domicile. Mais voilà, j'adore aussi les tatouages et je voulais me faire des tatouages sur tout le bras. Pour le moment, j'ai déjà quelques tatouages, mais tous sont cachés par la blouse. Donc, j'en viens à cette question. 2 points à la ligne, ouvrons les guillemets. Pensez-vous que les tatouages peuvent jouer contre moi ? Point d'interrogation, fermez les guillemets, point. Voilà. En gros, est-ce que ça peut lui faire perdre des clients quand dans sa future vie ? Parce qu'en hôpital psychiatrique, je pense pas que ça dérange grand-chose. Je sais pas, en hôpital, ils disent rien là-dessus. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de. Parce que c'est quand même. Elle est toute jolie, elle nous a envoyé une photo de son tatouage sur le bras. Bon, ça dépend, ouais. Il prend déjà bras. Bien le haut du bras quand même. Hein. Ouais, mais la blouse, tu le vois pas. Quoi. Mais il faut aller cacher quoi qu'il Qu'est-ce arrive. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? En fait, j'ai pas mal de motifs. J'avais une cage d'oiseau un petit peu à l'ancienne. Après, j'avais des lettres, j'avais une molécule. Enfin, voilà, j'ai déjà tous mes motifs. Un four micro-ondes. Mais je comprends pas, si t'as la blouse, ça pose aucun souci en fait, personnellement. Mais elle peut se faire un portrait de Julien Lepers, c'est énorme dans le dos. Après, elle veut se mettre à son compte. Je voulais continuer sur l'avant-bras, quoi. Là, sur l'avant-bras, j'ai juste un tout petit au poignet. Ouais. Donc celui-là, à la limite, il me pose pas trop de problèmes. Et le haut du bras, c'est quoi? Oui, non, mais après, elle veut faire l'avant-bras, en fait, elle disait. Après, je veux faire l'avant-bras, quoi. Je voudrais avoir toute la manchette, tu sais, comme ce que tu critiques depuis la réalité. Et tu vas mettre quoi sur l'avant-bras ? Eh ben, la cage à oiseaux. Après, je voulais faire une espèce de crâne mexicain, mais du coup, il sera sur le haut du bras, donc il sera caché aussi. Mais mets le numéro. Voilà, mets ta carte de visite. Mais tous tes numéros dont on a besoin tous les jours, la carte vitale, le machin. Parce que des fois, si on cherche ces codes, on sait pas où ils sont. Hop, tu regardes, t'as tout dessus. Ouais. Même un flash code. Je peux les inclure dans un dessin. Non, mais je me permets pas. Hein, je vais pas juger, mais la cage à oiseaux, t'es sûr ou... C'est peut-être symbolique pour elle. J'étais encore. Je suis sûr de moi. Mon père était un oiseau. Mais est-ce que la cage à oiseaux, t'es certaine vraiment? Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi ce choix? C'est par rapport à mon histoire et tout ça, c'est un souvenir oiseau. Que j'ai. T'étais en prison, t'étais enfermé dans une cage à oiseaux. T'as été violé par un oiseau. Non, arrête. Si, c'est les pires. Ils arrivent derrière, il faut que tu fasses attention. C'est les petits piafs, là. C'est eux, il faut se méfier d'eux. C'est les pires. Mais non, mais sans indiscrétion, je peux savoir pourquoi. Mais elle vient de le dire, mais tu parlais dessus. Avec ses grands-parents. Elle est à volière aux oiseaux. Voilà. Et elle écoutait bien. Après, moi, je parle pas spécialement des motifs et tout, je veux dire. Oui. Clémence, t'es sûr? Parce que moi, mon grand-père, il tuait des lapins devant moi, j'ai jamais mis un lapin mort. avec la peau, moi, j'ai enlevé, tu sais. Le pyjama. Moi, je veux bien faire mon grand-père qui est en train de tirer sur la peau du lapin, qui prend tout le dos, tu sais, le truc gore. Non. Mais bon. Non, mais dis-toi une chose, en plus, t'es infirmière, c'est le milieu médical, c'est censé être super sain, machin et tout, tu vas avoir affaire à beaucoup de vieux. Les vieux, ils vont pas kiffer. Les vieux, ils vont pas kiffer. On va dire, je veux pas de la tatouer, me fait peur. Ah ouais. Ah, mais c'est que le bras aussi, les gars, c'est pas tout. Justement, c'est ça, en fait, la question. Mais cache-les, t'es pas obligé de les faire sur les bras, tu le mets en haut des bras ou. Après où tu veux, mais il y a des endroits qui sont cachés. Tout ce qui est avant-bras, poignet, qui déborde le pire, sur les mains, le cou et compagnie, faut vraiment. Moi, c'est comme le zizi sur le front, c'est pas la bonne idée ça. Moi, mon avis, c'est de pas le faire. Voilà, après, c'est votre vie, c'est votre bras, si vous avez envie d'être recouvert. Mais à mon avis, parce que vous savez jamais de quoi votre métier peut être fait demain, et vraiment tout ce qui dépasse des fringues. Après, si c'est caché, ça peut être. Vous faites n'importe quoi sur vos fesses, sur. Il y a que vous et les copains qui le voyez. Oui, c'est vrai ça. Non, mais puis après, c'est ça le problème, c'est que. Enfin, je vois pas encore en fait le fait d'avoir des tatouages. Ça ferait de moi une moins bonne infirmière et ça, tout. Ça, c'est quoi. Vrai. Mais on te parle de la vie des autres gens. Mais malheureusement, les gens jugent très vite maintenant. Les gens qui ont des piercings, ils enlèvent tout. Hein, quand t'es routier, ça va, tu t'en fous. Mais après, infirmière, t'es dans le. Je sais pas, t'es dans tout ce qui est hygiène et tout. Enfin, c'est. Non, les mecs. C'est pas sale d'avoir un tatouage. Ça peut faire ça. A priori, excusez-moi. Ça peut faire sale. Ça peut faire sale. C'est pas parce que t'as des tatouages que tu te laves pas. J'ai vu des tatouages sur des filles. Il y a des tatouages qui font joli et il y a des tatouages qui font crade. Il y a des motifs qui font crade. Il y a des fois, c'est trop chargé. C'est pas beau. Il y a des motifs, ça fait sale. Surtout à certains endroits du corps. Et l'avant-bras, ça peut faire cet effet-là. Ouais. Je suis désolé, hein, je dis ce que je pense. Hein. Mais si moi je pense ouais. imaginez une mémère de 82 ans. Hein. Ouais. Donc, je... Là, franchement, je veux dire, je travaille en ce moment, je suis en gérontopsychiatrie, donc la psy pour les personnes âgées. Et eux, ils me disent trop rien pour le coup. C'est plus quand je reçois les enfants ou quoi que, que je vois que ça tique un peu, quoi. Mais ils s'en rendent pas compte, ils te prennent pour un pulse. Non, mais je pense que. Non, franchement, ça les intéresse. Ils veulent toucher pour voir. La belle, voilà. La seule différence, c'est que les gens qui ont des piercings sur les lèvres, sur les oreilles qui dépassent, là, les trucs à la clé. C'est pire, hein, le piercing. Oui, mais le piercing, tu vas bosser le matin. Tu l'enlèves ton piercing. Ouais. Tu l'enlèves et tu vas bosser, et puis t'as des petits trous, les gens voient pas. Ton tatouage, tu l'enlèves pas. Hein. Mais t'as pas envie de le faire à un autre endroit? Du coup, cage à oiseaux. Bah non, justement, moi c'est là que je vais y faire. Et je pourquoi l'avant-bras en fait? Tu peux pas le mettre. Cage à oiseaux. Allez, expliquez pourquoi. Parce que je veux déjà finir mon bras. Bah, fais-le par le haut, pas par le bas. De toute façon, t'as envie de le faire, donc au final, tu le feras quand même, je pense. Oui, tu peux t'arrêter avant le poignet, comme ça, tu mets des manches et ça se voit pas. Ouais, mais en été, quand t'es en débardeur, genre là, sur la photo que je vous ai envoyée, un bras derrière ton dos. Et moi, je peux pas. De toute façon, moi, sur les filles, je suis pas fan. Moi, me demandez pas mon avis, parce que je trouve ça crade. Sur l'avant-bras, sur une fille, je trouve ça crade. Stouff, elle peut donner son avis, elle a des tatouages. Je peux trouver ça très joli à plein d'endroits du corps. Elle a un artichaut. Un artichaut dans le dos. Mais si, c'est vrai, 5 fruits et légumes, on l'appelle. Ratatouille. Et il y a une carotte, mais on la voit pas bien, elle est cachée. Stouff, pourquoi un artichaut dans le dos? Arrête. On peut se foutre de la gueule de la volière. Mais l'artichaut dans le dos. Bah, j'aime bien les fruits et légumes, ouais, t'as raison. Non, mais en vrai, c'est pas un artichaut aussi. C'est quoi? Non, c'est un lotus. Ouais, bah, un lotus. C'est trop bien. T'aimes bien le pécure. Ah, c'est bon. Le mec, il s'est dit, ouais, j'ai pas de lotus, je vais foutre un artichaut. Elle C'est un lotus. C'est un breton, le mec, il a fait des artichauts, il fabrique des artichauts dans la famille, il a fait un artichaut. Qu'est-ce que je te dis? Bon, qu'est-ce que tu lui conseilles? Ouais, du coup, tu conseillerais quoi? Bah, de le faire, de faire son tatouage, et puis c'est pas grave, les gens, enfin, on s'en fout ce que pensent les gens. Bah, non. Mais là, c'est dans le cadre de son travail. Toi, t'es dans un milieu artistique, ma chérie. Toi, tu pourrais arriver avec un piercing sur le bout du nez que tout le monde s'en fout. Quand t'es dans un autre métier. C'est dommage qu'elle se retienne de le faire pour ses clients. Ah mais si après c'est une question business. Après, c'est des blues, je vais te montrer. Laurie vient de nous sortir une photo d'un lotus. Vrai que tu compares avec l'artichaut que t'as dans le dos. Ça n'a rien à voir. Hein. Absolument. La couleur encore. Oui, mais même il n'y a pas que la couleur, il y a la forme aussi. Ah, là, je fais une photo. Il y a la stouff. Ils t'ont même mis le pot de mayonnaise à côté. Stouff, viens te mettre à côté du lotus. Du lotus, quoi. Monte ton artichaut. Ah. Oui, mais elle, c'est un lotus japonais, non? Il y a pas d'ailleurs. Oui, c'est bien sûr. C'est un lotus breton pour le coup, ouais. Ah mais il y en a deux. Ah oui, non. Voilà. C'est quoi au-dessus? Aucun rapport, je suis fils unique. Ça c'est quoi au-dessus? Non, je te dirai pas. Ça c'est un truc de resto japonais. Le menu B12. Il a écrit ouvert le samedi. Bien foutu de ta gueule. C'est son Clémence, menu. Moi, tu sais quoi? Ce serait ma grosse. Oui. Ça, ce serait ma hantise. La mode des gens qui des fois se font écrire des lettres en hébreu, qui lisent pas l'hébreu, ou des lettres en thaïlandais. Et c'est arrivé, tellement de fois. Le mec, il t'écrit, je suce tous les mardis. Bon courage pour savoir. Toi, tu regardes, il t'a dit, ta mère est prenant des filles. Hein. Ah, c'est beau, c'est beau. Hein. C'est beau. Et quand tu vas dans tous les restos thaïlandais, les mecs, ils se marrent. Mais moi, j'aurais trop peur de ça. Ouais, c'est vrai. Que le mec fasse une faute ou écrive une saloperie. Clémence, l'histoire dans tout ça, tu fais ce que tu veux, c'est ton bras, c'est ta life. Mais réfléchis quand même. Tu nous as demandé notre avis, on te l'a donné. Je t'embrasse, ma Clémence. Je te fais un gros bisou. Bisous, ma chérie. A bientôt, oui, tiens-nous au courant du tatouage dès que tu l'as fait. Puis continue de nous écouter, je t'embrasse fort. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. You saved me, save me. me safe, hey. Restez avec nous sur Énergie, on aura le check ton bahut dans un instant et le retour du tribunal populaire. Ah oui. Et là, évidemment, quelqu'un de l'équipe va encore m'enfler. On a du dos. On a du dos. Je peux pas tout vous dire, mais Mika, ça va chier. A tout de suite, on revient. Préparez-vous à découvrir les nommés à la plus grande cérémonie musicale européenne. Energy Music Awards. Les Energy Music Awards 2016. And now, the nominees. Découvrez chaque jour sur energy.fr la liste des catégories et des nommés. Rendez-vous aux Energy Music Awards, l'événement à ne pas rater. Et rendez-vous le 12 novembre à Cannes. And the winner is... en direct sur TF1. Vote pour moi. Et Energy. Pour nous. Thank you. It's music only. Monoprix. Tu sais que t'aimes la mode quand tu te changes 5 fois avant de sortir, alors que tu vas juste descendre des poubelles. Hein. Ouais. Bon. Et tu sais que t'aimes encore plus la mode quand tu t'achètes tout le stock de cachemire Monoprix pour que personne soit habillé comme toi, quoi, en fait. Ouais. Pendant les 9 jours Monoprix, le pull Colvé Femme 100% cachemire est à seulement 69€ au lieu de 89,99€. Faites vite, c'est jusqu'au 9 octobre. Monoprix. Conditions et magasins participants sur monoprix.fr. Du 26 septembre au 15 octobre, c'est les prix Qualité Pro spécial isolation chez Tout Faire Matériaux. En ce moment, la laine de verre épaisseur 200 mm, lambda 40 pour isolation des combles est à 3,75€ le mètre carré. 3,75€ seulement. Alors, profitez-en. Tout Faire Matériaux. Gagnez en savoir-faire. 3,75€ le mètre carré, soit 20,25€ le rouleau. Une seconde avant, j'étais l'homme le plus chanceux du monde. Élise était enceinte de notre premier enfant. Mais la seconde d'après, quand j'ai vu cette voiture me couper la priorité, j'ai bien cru que tout était fini. Heureusement, Élise n'était pas avec moi dans la voiture. Et notre fils a pu voir le jour. Grâce à lui, j'oublie un peu mon handicap. Chaque priorité respectée, c'est un risque évité. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Pour le jeu vidéo, c'est la nouveauté avant tout, comme la nouvelle PS4 ou FIFA 17. À moi, pour le jeu vidéo, c'est le prix qui compte. Moi, c'est la nouveauté et c'est Leclerc. Ah non, c'est le prix le plus important. Et moi, je vais chez Leclerc. Leclerc ? Découvrez la nouvelle PlayStation 4 1 Tera et FIFA 17 pour 349€ seulement chez Leclerc. Voir modalité de l'offre dans les magasins participants, prix maximum conseillé. Étudiants, apprentis, l'année de vos rêves est déjà dans votre box all-inclusive Société Générale. Un an de transport gratuit, de loyer, d'études à l'étranger, à vous d'imaginer votre box all-inclusive. Vous avez jusqu'à 16 000€. Une box à gagner chaque semaine sur boxallinclusive.com pour une année de folie. Jeu avec tirage au sort jusqu'au 16 octobre 2016, règlement sur le site. All-inclusive égale tout compris. J'ai fait des idées de génie. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Étonnant, pour les 35 ans de Jiffy, Jiffy nous fait gagner 35 millions d'euros. Oui, oui, 35 millions d'euros à gagner. C'est simple, c'est gratuit, tu joues, tu gagnes. Et surtout, n'oubliez pas de me remercier. Jiffy, des idées de génie. Jouer en téléchargeant l'appli Bravo Loto, 100% gratuite. Voir règlement sur jiffy.fr. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc. En ce moment, c'est l'opération super pouvoir d'achat avec les plus belles offres promotionnelles de tous les temps. Des réductions, du gratuit et du ticket Leclerc sur des centaines de produits. Le meilleur de toutes les plus belles promos Leclerc est là, réunis en même temps dans tous les rayons de tous les magasins Leclerc. Ah oui, quand même. Du 20 septembre au 29 octobre, les plus belles promos Leclerc sont toutes réunies chez Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. À l'attaque ! Et vive les super pouvoirs d'achat ! Va, mon héros, va chez Leclerc. Fire and ice. This love is like fire and ice. This love is like rain and blue skies. This love is like sun on the rise. This love got me rolling the dice. Don't let me lose. Still falling for you. Still falling for you. It took us a while. Brighter than gold. This love shining brighter than gold. This love is like letters and bold. This love is Peut-être à mettre le label Qualité Coé sur le bahut de Hugo. Tu bouges pas, Hugo ? C'est le 25 euros. Je bouge pas, c'est bon. Ok, Hugo, ne bouge pas. Je sais pas ce qui. C'est pas le bordel. Oula. Du tout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Les hôtels Zougoulou, je crois. Appelle-moi Fabien de Marseille pour le tribunal populaire. C'est notre juge contre Mika. Mika, viens t'asseoir à côté. Mika, de viens t'asseoir le temps qu'on appelle Fabien, notre juge. Non, Mika, le beau gosse, s'il te plaît, viens t'asseoir. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il est vénère. Ah. Allô ? Bonjour, vous appelez Fabien, vous habitez Marseille ? Pélissane, exactement, pas Marseille. Ok, bon, désolé, je fais une erreur. Je m'appelle Coé, on est sur énergie, vous allez bien ? Oui, ça va. Pleine forme. Oui, sur énergie, je gagne quoi là ? Rien pour l'instant. Je gagne quoi ? Rien pour l'instant. C'est pas en me le répéter plusieurs fois. Rien pour l'instant. Il faut répondre aux questions d'abord. Et si vous me le demandez une troisième fois, demandez-le-moi une troisième fois. C'est une blague. Oui, et rien pour l'instant. Alors, non, je vous appelle, on est sur énergie, je vous présente Mika, qui est quelqu'un qui travaille avec nous. Bonsoir. Que nous accusons d'avoir pris le melon. Puisque Mika, maintenant, se lance lui-même des hashtags. Vous êtes sérieux ? Sur Twitter. Alors attends, ce qu'on va faire, je vous explique, Fabien. Vous avez Twitter ? Non, pas du tout, je ne sais pas comment ça marche, bon, je ne suis pas encore à la mode. Je vous explique. Mika, j'ai pris quelques trucs au hasard. Hein. Mika, qui nous mit, bon, bah je débarque, chez qui je débarque la prochaine fois ? Hashtag Coé saison 7, Mika. Mais non, attends, faut que je m'explique sur ça. Attends. Je continue. Tu vas te défendre après. Mika qui retweet, parce qu'il y a marqué Mika a retweeté. Ouais, normal. Un tweet de quelqu'un qui dit Mika, le beau gosse, est dans la place. Retweeté. Voilà. Bah, normal, on m'écrit. Mika qui écrit, hâte que vous voyez ça. Coé saison 7, la vidéo arrive bientôt. Mika, t'es vraiment un grand fou. C'est quoi le squattage de peinture ? Dès qu'il y a un mot gentil sur lui, mais c'est normal. Il fait penser à quelqu'un. Les gens t'écrivent. Moi, je le fais aussi. Les gens t'écrivent, c'est normal que tu leur répondes. Fabien, il faut qu'ils comprennent avant de juger. Ok. Mika, je t'adore, je rêve de te rencontrer, mais c'est pas possible. Bref, juste pour te dire, je t'aime. Si tu peux me follow, ça serait top. Mika et ses fans, c'est toute une histoire. Bon, Fabien, c'est vous qui allez choisir, puisqu'il est accusé d'avoir le melon. Mika risque. Je réponds juste aux gens qui m'écrivent, c'est tout, Fabien. Mika risque de 1 à 5 melons qu'on va vider dans son t-shirt. Parce qu'on gâche pas, comme ça on mange le reste. Après, on enlève les pépins du milieu et on mange le reste qu'on distribue au public. Voilà. Mais c'est Mika qu'on pose. Non, franchement, Fabien, c'est vous qui décidez. Mika, tu veux t'expliquer à Fabien peut-être ? Pourquoi ? C'est pour ma communauté, je n'ai pas le melon, vas-y. C'est la vérité, mais bon, apparemment pour vous, c'est d'avoir le melon, donc je sais pas. Non, ça a été collé, il y a un espace. Alors, il manquait The Best. Ressors le truc. Ressors le truc. Ressors le coco. Il n'y a pas d'espace et il y a eu plein d'auditeurs qui ont mis le hashtag. Mais merde, c'est le titre de la vidéo et seulement ça s'est collé. Voilà, et c'est pas pour créer un hashtag Coé. Non, mais c'est marqué Mika is better. J'assume, allez hop, j'assume. Mika saison 7, moi j'ai vu. Fabien, de 1 à 5 melons dans le t-shirt, vous dites combien ? 5. Voilà, c'est bien. Merci Fabien. Merci Fabien. Alors, il faut que tu rentres ton t-shirt dans le jean. Alors, il faut que tu rentres le t-shirt. Rentre ton t-shirt, sinon ça sort direct. Vous allez me dégueulasser, c'est pas bien. Et si tu pouvais, pour la forme à la fin, m'en casser un avec la tête. Juste pour la forme. Il y en a un. Non, on ne coupe pas, le casser avec la tête. Non, mais il y a le. J'enlève le coup. Mais je vais être trempé, franchement. Voilà. Allez, non, attends. Mec, déjà rien qu'un t-shirt dans un pantalon, je crois que ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Plus personne. Ça fait ringard. On attend pas, c'est frais. C'est frais, c'est quand c'est frais que c'est bon. Non, mais c'est froid, putain, c'est froid. Et massé pour qu'il ait bien, pour qu'il ait bien les graines. Une connasse. Putain, oh là là. Oh, tu m'insultes. Insulte à son chef. Fais-lui une Nabila. Non, c'est bon, ça suffit. Dans ça non, non, il en reste, il en reste, il en reste. Frottez les graines. Hé, Julie. Non, t'es en train de me tuer. Non, sérieux. Et le dernier, tu me le casses avec la tête. J'ai un rendez-vous après, mais arrête, t'as pas de rendez-vous. Un rendez-vous professionnel. Mais non, mais sérieux, quoi. Tiens. Ne mets pas les deux derniers. Si tu mets les graines de courge dans le pantalon, ça remplace les deux derniers. Ah, d'accord, pardon. Voilà. Non, pas dans le pantalon. Si, si, dans le pantalon, c'est une tradition. Voilà. Tu te dis, il veut le casser par contre. Mais il touche le bordel. Tu peux éviter de kiffer. Et la dernière, il y a tu des me fais. De pépins partout. La dernière, coup de boule, direct. Il en fout partout. Attends, je fais un boomerang. Ils les ont achetés où? C'est une pierre. Ouais, mais c'est ça qui est drôle. Non, mais c'est une pierre. S'ils étaient trop mous, ce serait pas marrant. Attends, laisse-moi. Attends, bouge pas, je me mets en boomerang. Attends. Attends, je suis pas dans le bon sens parce que j'étais en bon. Attention. Mais dans le caleçon, on dirait que t'es enceinte. Quand je te dis 3, 2, 1, à go, t'y vas. Attention, t'as une caméra derrière quand même. À go. Attends. Pourquoi ton micro? Plus de côté. Il est vénère. Plus de côté. On pourra faire un hashtag MikaKaz. 3. Oh. Je crois qu'il a pas un truc de. Le gars est où? Le gars est où? Mika. C'est tellement Mika. Easy pour lui. Hashtag Mika est un ouf. Mika, il me semblait avoir répété 3, 2, 1, go. Et t'attends le go. Ouais, mais là, écoute, je suis perturbé. D'accord. Okay. Hashtag Koé saison 7 Mika, faites-le plaisir. Faites-le tourner. J'ai un très beau boomerang qui est très joli. On dirait un psychopathe qui défonce un melon. Tu m'étonnes. Et qui ne s'arrête pas. Reste avec nous sur Énergie. Allez, vas-y. Reste comme ça. On dirait que t'as pris du vide. Tu vois ce que ce sera dans tes 3 mois? Ça m'entraîne. Allez, restez là. À tout de suite. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Il nous faudra vite se fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière. Car au bout du compte, nous sommes des milliers. Je continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes en avoir l'impression d'être sous. Faites-vous à l'idée qu'on est peut-être fou. En fait, faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Veux-tu vivre dans un monde sans soleil? Nous c'est l'amour qu'on veut semer, le sentir fleurir sous nos semelles. Mais c'est hyper dur quand la haine perdure. Mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu. Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Je ne capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Je capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. Oh, ramener. Je capte pas, les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. C'est marrant, Koé, c'est les 7 nains à lui tout seul. Brave, grincheux, timide, simplet, adjoum, dormeur et joyeux. Alors que la seule personne de petite taille, c'est Julie. Koé, 19h-22h, sur Énergie. Venez nous voir dans le studio parce que vous verrez des moments qui se passent en antenne, des gens qui nettoient des melons. Vous verrez des... et vous verrez Guéguette qui, nous dit c'est génial, il y a un mec dans le public, c'est le sosie de Mathieu Delormeau, alors que pas du tout. Bah, je trouve qu'il y a un truc. Et le mec, sans déconner, il se retourne pendant le jingle, il le revoit, il fait t'es le sosie de Mathieu Delormeau. Non, parce qu'il me dit j'ai pas entendu. À Mathieu Delormeau, t'es le sosie. Je lui explique ma connerie. Mais pas du tout en fait. Putain, mais c'est toi. Petit truc. Mais oui, c'est un truc doux, les gars. Ah ouais, il y a un truc sur le visage. Mais non, franchement. Non, franchement. Je regarde pas. Franchement, non. Non, non, ah, écoute, c'est pas, non, je trouve. Le public, levez la main ceux qui pensent qu'il ressemble à Mathieu Delormeau. Ouais, il ressemble plus à Mathieu Delormeau qu'à Maître Gims, quoi. Bah oui. Voilà, Guiguette. Mais il ressemble pas du tout. Va te prendre un labrador, Guiguette. Koé, juste deux secondes. Est-ce que je peux faire une petite dédicace à mes collègues? Non. Si t'avais ressemblé à Delormeau, oui, mais non. Merci beaucoup. Non, non. Oui? Non, rien, bah tu m'as dit non, c'est bah tout. Oui. Mmh. Bah, tes collègues de TPMP alors? Tu viens? Non, non, non, c'est tout. J'ai travaillé cette nuit et ce matin j'ai eu un défi. Non, ouais, mais non, non, non. D'accord. Voilà, c'est con. Merci quand même. Pas de rien. Donc, en tout cas, mais vas-y, mon pote. Si, vas-y. Mais fais-le ton message. J'ai dit non! Vas-y, fais-le. Bah, je dédicace. Bah, je fais une dédicace à mes collègues pompiers de la Bassée dans le Nord. J'ai eu un défi ce matin. De où, de où, de où? De la Bassée dans le Nord. C'est où la Bassée? À 20 minutes de Lille. 15-20 minutes de Lille. D'accord, ok. Et vous êtes pompier là-bas? Ouais. Ah, c'est bien ça. Et ça te fait pas trop long pour aller à TPMP après? Non, putain, t'es relou. Hashtag Mathieu Delormeau est pompier. À bientôt, mon pote. Hashtag Mika. On les embrasse. Ah non, hashtag Koé saison 7, Mika. C'est important, c'est le hashtag de ce soir. Regarde-le, il se fait essuyer par les auditrices et tout là. C'est son fan club qui est là en fait. Oui. Suivez avec ses cheveux, elle va gagner du temps. Mademoiselle, elle a une boule de cheveux, cheveux sur la tête. Ouais, c'est incroyable. C'est avec tes cheveux. Vas-y, et l'autre il se fait caresser. Okay, il aime ça, hein, regarde-le. Ouais, je me fais torse nu. Il aime bien ça. Déjà, il se met torse nu déjà. Les filles, faites-lui un kiff. Massez-le. Ah, ça pue. Non, laisse. Ah bah là, j'ai dit ça, donc plus envie. Hugo, 17 ans, on va checker son bahut. Ça va, mon pote? Ça va et vous? Ouais, ton bahut, je tiens à te dire qu'il a une tête de bahut. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est le bahut le plus bahut qu'on puisse trouver. Ouais, c'est carré, c'est gris. C'est carré, c'est moche, c'est dégueulasse, c'est années 70. Ouais, c'est vraiment le lycée. C'est original alors. Oh, ah, il est pas beau. Hein. Oh là, il est pas beau celui-là. À Aix-en-Provence, le lycée Adam de Craponne. Non, c'est un salon. C'est à côté. C'est un salon de Provence. Le lycée Adam de Craponne, c'est toujours ça? Ouais. Ça sonne à Al Capone. Ça, qu'est-ce qu'il a fait, Adam de Craponne? Ça sent pareil, le chevalier, ça. C'est un chevalier. Ah, c'est les canaux. Je crois que c'est les canaux pour Montello. Dans les trains et tout, je crois. C'est okay. Vachement clair ton explication. C'est les canaux Montello dans les trains. Ouais, c'est clair. Mmh. Les canaux. Attends, nous avons Guéguettissimo qui était un ingénieur, donc il ne doit pas avoir faux. Qui a donc peut-être créé les canaux pour remonter l'eau. Dans les trains. Ah, ok, bah, peut-être. Alors, il a peut-être raison. En tout cas, il a détourné les eaux jusqu'à Salon. Eh, hey, j'avais dit que je voulais maintenant qu'on nous envoie les lycées bons derniers. Ouais. Je veux que si vous nous écoutez, vous êtes bons derniers. Votre lycée, il est dernier de votre département. Jouez avec nous à cette séquence. Je veux du dernier parce que là, on est bien. Classement national, 384 sur 2200. Oh, ah, pas mal. Pas mal. Vous avez un lycée moche, mais vous avez un bon niveau. Classement départemental, 11 sur 75. Ah, pas mal. Bien. Mmh. Pas mal. Je pensais pas qu'on était aussi fort. Si, bah, je te le dis, mon gars, nous, on a vérifié les derniers chiffres. Alors, t'aimes bien ton lycée ou pas? Ouais, franchement, ça va. Ah, franchement, ça va. Qu'est-ce qui pourrait s'améliorer? La bouffe à la cantine. Ouais, ça, c'est le problème récurrent. Hein. C'est dingue, ça. C'est vraiment horrible. Comment ça, c'est qu'il n'y a pas une cantine bonne? Il y a des lycées. Ah bah, c'est toujours la même chose. C'est soit riz, soit pâte, viande dans le sauce. Bah oui, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous fassent? Non, mais, si, en même temps, non, mais moi, je me ils sont obligés en plus de mettre des légumes. Mais moi, je me mets à leur place. Si vous faites steak frites, mais vous allez manger steak frites tous les jours. Ah, mais oui. Tu changes. Ah, tu changes, mais tu sais bien du riz et des machins, non? Oui, mais il faut qu'il y ait des légumes aussi. Mais le problème des légumes, à la, quand tu cuisines des légumes pour 400 personnes, ça peut pas être bon. La jardinière de légumes à la cantine, je crois qu'elle te dégoûte de la jardinière de légumes. Moi, ce qui m'a dégoûté à la cantine, alors que maintenant je kiffe, c'est la ratatouille. Ouais, moi aussi, pareil. La ratatouille de la cantine, sans déconner, on te la sert, t'as pas envie. Alors qu'une bonne ratatouille, c'est super bon. Légumes, ils sont encore croquants. C'est trop bon. On appelle ton bahut. Allez, je vais leur mettre le lycée, la belle qualité Coé, pas le lycée aussi. Vous avez compris? Oui, on a compris, t'inquiète. Ouh là là, c'est occupé. Occupé, ça mérite un point de moins. Il n'y a pas plusieurs lignes sur le téléphone? Ouh, on rappelle. Prochain tribunal pour Stouff. Alors, Stouffinette, avez-vous checké avant? Alors, oui, justement, j'ai appelé, j'ai eu un monsieur. Les standards les plus chauds de ta région. C'est pas de ma faute si ça ne sert pas à répondre au téléphone. Alors, tu es l'artichaut. Les deux là, au standard. L'artichaut. Tu sais quoi, on est en train de te faire un montage avec, avec Loris où on va mettre ton artichaut, un lotus et un vrai artichaut. Pour que les gens se rendent compte que ce que t'as dans le dos, c'est vraiment un artichaut plus qu'un lotus. J'irai le faire colorier cette semaine. Non. En vert. avec une petite sauce vinaigrette à côté. Fais une pub pour la Bretagne. Marque les artichauts, les chauffeurs de Bretagne, artichauts de Bretagne. Bah, artichaut, c'est breton aussi. Ouais, je crois. Ouais, mais vive la Bretagne. Comme ça, tout le monde sera content. Ouais. Tu mets un petit quai d'avant en dessous. Hop. La semaine prochaine, on lui change son tatouage. C'est vrai? Non. On met un poireau. Non, on fait un poireau. Je sais rien, les gars. Non. On le colorie et mais tout. Mais si. Une citrouille. Bah alors là, vous pouvez aller vous faire. Un potiron pour Halloween. Un potiron pour Halloween. Non. Ah, il est moche. Viens, on le refait. Non. Alors, c'est quoi la signification? Vas-y, dis-moi la signification de l'artichaut. Parce que la demoiselle tout à l'heure qui nous a fait. C'est une fleur de lotus. La demoiselle qui nous a dit le coup de la cage à oiseaux. C'est dégueulasse, mais quand l'explication arrive, tu dis bon, ok. Ouais, les grands-parents, tout ça. Les grands-parents, la volière. Un artichaut. Alors. C'est une fleur de lotus. Pourquoi le lotus? Pourquoi le du bas. Parce que j'avais torché souvent le cul. C'est tu t'élèves vers le haut. D'accord, ouais. Le lotus ça part en bas et puis ça va en haut. Bah comme toutes les fleurs. Ouais. Pourquoi t'as pas fait un plant de tomate du coup? Même les endives elles partent en bas et. Ah une endive. Ah c'est pas mal ça une endive. Ouais. Toutes les fleurs montent. C'est vrai que le jour où tu verras une fleur qui pousse dans l'autre sens, qui part de l'air et qui tape dans la terre, tu nous feras signe. Hein. T'as une autre explication? Ah ça sonne. Allez hop, réponds. C'est terrible. Lycée Crapone, bonjour. Bonjour Lycée Crapone, monsieur Coé à l'appareil, on est sur énergie, comment allez-vous? Je l'ai un peu vite peut-être, je voudrais réveiller, vous allez bien? Non, pas du tout. Vous allez bien? Vous allez bien? Non, pas du tout. Ça va, oui. Bon, alors écoutez, je vous explique, je vous appelle, donc moi je m'appelle Coé, hein. Bon, peut-être que vous me connaissez. Non? Coé, je me connais, mais je pas à moi, le très beau gosse. Ouais, on va dire ça, ouais. Oh, dis donc, oh. Bon, je vous appelle parce qu'attention, c'est très important, nous sommes mandatés pour mettre le label Qualité Coé maintenant sur les lycées. Oui. C'est nouveau. Et c'est vous qui avez été choisi par vos élèves. C'est bien, non? Par mes élèves, c'est moi. Oui, je suis l'agent d'accueil. Ils ont dit, on kiffe l'agent d'accueil, vive l'agent d'accueil, il mériterait d'être proviseur. C'est ce que j'ai entendu, hein. Ouais. Là, agent d'accueil, il y en a qui m'ont dit on va à l'école le matin que pour l'agent d'accueil. Ouais. Alors. Surtout le matin, c'est pas moi. C'est pour ça qu'ils viennent. Alors, est-ce que, monsieur l'agent d'accueil, on peut partir si le prof a 15 minutes de retard? Si le prof. J'en sais rien, je crois pas. Je crois pas. Non. Est-ce qu'on peut ramener sa canette de coca en classe? Non. Interdit de manger en classe, de boire en classe. Très bien, monsieur. C'est très bien, ça. Est-ce que vous avez une jeune et jolie prof de sport dans les équipes? Oui. 3 points de plus. Parce que souvent, elles sont moches. Est-ce que les élèves apprennent du Kenji en cours de musique? En cours de musique, du Kenji, je crois pas. Je pense pas. À travailler. Je mets à travailler. Ouais. Et enfin, dernière question. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser les aliments de la cantine comme projectiles s'ils sont mal cuisinés? Déjà, ils sont pas bien cuisinés, puisqu'il y a de plus en plus d'élèves qui vont manger. Ils sont bien cuisinés ou pas bien cuisinés? Très très bien, puisqu'on a de plus en plus d'élèves qui viennent manger. C'est bon signe. S'il y a plus d'élèves et très peu de morts, c'est très bon signe. C'est que c'est meilleur. Alors, est-ce qu'on a le droit? On a fini de manger, on prend un petit poids, paf! Non. Oh. On s'amuse pas avec la nourriture. Il y en a qui meurent de faim. Ça c'est bien. Et quand quelqu'un dit ça, c'est fini. On n'a plus envie. Voilà, t'es obligé de mettre un point. Ouais. Voilà, on dit ça à une émission. On vient de se renverser des melons partout. Écoutez, on les a mangés. Après. Mais nous on les bouffe. Mais le public va en avoir. Eh bien, je mets le label qualité. Je le mets. Si on fait le total, il n'y a pas la moyenne, excusez-moi. Je le mets. T'as combien de points? Il est sympa ce monsieur. Il a pris 3 points avec la prof de sport. La prof de sport, il a pris 3 points d'avance. C'est vrai. La belle qualité, Koé, c'est bon, c'est grâce à la prof de sport, vous pourrez l'embrasser pour nous. Ça va. Je vous embrasse, à bientôt le lycée Craponne. Craponne. Oui, parce que le lycée Al Capone, il n'existe pas encore. Craponne, c'est bien le monsieur qui a créé des canaux pour monter de l'eau dans les trains. Non. Il y a 500 ans en arrière, et je crois qu'il n'y avait pas de toit à l'époque. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Il a fait les canaux. Voilà, c'est ça. Voilà. Il a fait venir l'eau. C'est ça, t'as entendu Adam? Ingénieur du roi. Voilà. Allez, à bientôt, bon courage, salut. Merci, au revoir. Salut Hugo, t'as entendu, t'as noté? T'avais tout compris. Ouais, j'ai noté, c'est bon. Voilà, il ne mettait pas dans les trains l'eau. C'était, mais il y avait 500 ans, il n'y avait pas les trains. Gros bisous, je t'embrasse, à bientôt, porte bien, Hugo, bisous. Merci, ciao. Embrasse tout le monde, Michel Al Capone. Bisous. J'aime bien Al Capone. Al Capone. I know you want me. Bon, vous avez compris. À tout de suite. Les meilleurs hits arrivent plus vite sur Énergie qu'ailleurs. Papier, ils n'ont aucune chance. Combien d'hommes, vous disiez? Dans l'action, ils n'ont qu'une seule règle. Les sept mercenaires, Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, face à l'impossible, ils sont sept à se battre. Je parie que ça va mal finir. Les sept mercenaires, actuellement au cinéma, avec Énergie. Monoprix, tu sais que t'es fan de l'Italie quand t'es prêt à déshériter tes enfants parce qu'ils ont coupé la spaghetti. Et tu sais que t'es encore plus fan de l'Italie quand tu vas chez Monoprix acheter tes raviolis et que tu demandes si on peut te les livrer en gondole. Avec Monoprix Petit Prix, les 400 grammes de raviolis pur bœuf sont à 85 centimes seulement. Et en plus, pendant les 9 jours Monoprix, profitez de centaines de promos jusqu'au 9 octobre. Monoprix, conditions et magasins participants sur monoprix.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Un pour tous. Non mais j'ai trop hâte de les voir. Je connais déjà toutes les chansons par cœur. C'est mon livre préféré. Tous pour un. Les Trois Mousquetaires, l'expérience musicale la plus spectaculaire de l'année. Plus de 40 artistes sur scène, des tableaux et des chorégraphies à couper le souffle. Un décor grandiose. Rendez-vous à partir du 29 septembre au Palais des Sports de Paris. Avec Énergie, It's Music Only. Gagnez des consoles PS4 et le jeu vidéo Mafia 3 avec Énergie. C'est Guillaume de Guillaume Radio 2.0. La semaine prochaine, Guillaume Radio 2.0, de 22h à minuit, vous offrira des consoles PS4 et le jeu vidéo Mafia 3 avec Énergie. Ça sert à rien de lutter contre sa vraie nature. Mafia 3, disponible le 7 octobre sur PS4. Avec Énergie, Hit Music Only. Où va le monde? Quel est le sens de la vie? L'œuf ou la poule? On a le temps de se poser d'autres questions quand on sait quelle voiture choisir. Citroën C1 Live à partir de 8 690 €, avec ses 3,46 m, aide au démarrage en pente et feu diurne à LED. Dépêchez-vous, c'est en ce moment. Oui, mais barbe ou moustache? Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 31 octobre. Détails sur carstore.citroën.fr. Leclerc. En ce moment chez Leclerc, avec les super pouvoirs d'achat, le téléviseur LED Ultra HD 4K ailleurs, 102 cm, est à 299 €. T'as acheté une télé. Tu m'étonnes, une télé comme ça, à ce prix-là. Du 27 septembre au 1er octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le téléviseur LED Ultra HD 4K 102 cm ailleurs, avec 50 € de réduction immédiate, est à 299 €, dont 2,24 € d'éco-participation après réduction. Voir modalité dans les magasins participants et sur le site i-tech.leclerc. C'est ça, les super pouvoirs d'achat. Étudiants, apprenti, l'année de vos rêves est déjà dans votre box all-inclusive Société Générale. Un an de transport gratuit, de loyer, d'études à l'étranger, à vous d'imaginer votre box all-inclusive. Vous avez jusqu'à 16 000 €. Une box à gagner chaque semaine sur boxallinclusive.com pour une année de folie. Jeu avec tirage au sort jusqu'au 16 octobre 2016, règlement sur le site. All-inclusive égale tout compris. Pardon, poussez-vous. Ouais, mais il y a du monde ici, c'est quoi cette soirée? C'est la soirée Freebox Révolution, toutes les chaînes sont présentes. Oh la vache, et on est combien? Plus de 500. 500 chaînes? Ouais, et en plus, il y a des services replay là-bas, et toutes les chaînes HD au fond. Hey, sexy les chaînes HD. Ah, je te le dis, les grandes soirées télé, c'est avec la Freebox Révolution. Merci, Free. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité. Plus d'infos sur free.fr ou au 1044. Une seconde avant, j'étais l'homme le plus chanceux du monde. Élise était enceinte de notre premier enfant. Mais la seconde d'après, quand j'ai vu cette voiture me couper la priorité, j'ai bien cru que tout était fini. Heureusement, Élise n'était pas avec moi dans la voiture. Et notre fils a pu voir le jour. Grâce à lui, j'oublie un peu mon handicap. Chaque priorité respectée, c'est un risque évité. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Mariono. Aujourd'hui, je rêve de m'offrir tous les parfums, le maquillage et les soins qui me font craquer. Bonne nouvelle! Jusqu'au 9 octobre, profitez des jours uniques chez Mariono avec 25% de réduction sur tout le magasin et l'institut. C'est le moment de céder à toutes vos envies de beauté. Offres et conditions sur mariono.com. Mariono, la beauté qui me ressemble. Moi, pour le jeu vidéo, c'est la nouveauté avant tout, comme la nouvelle PS4 ou FIFA 17. Ah, moi, pour le jeu vidéo, c'est le prix qui compte. Moi, c'est la nouveauté et c'est Leclerc. Ah non, c'est le prix le plus important. Et moi, je vais chez Leclerc. Leclerc ? Découvrez la nouvelle PlayStation 4 1 Tera et FIFA 17 pour 349 € seulement chez Leclerc. Voir modalité de l'offre dans les magasins participants, prix maximum conseillé. Ce soir, sur Énergie. Je suis fier de vous annoncer, voici mon premier. Ah, deux vieux potes qui se retrouvent. Ah, ouais, c'est ça. Papou. Mais oui, ça y est, on est là. On est là, on se dit bonjour. Deux copains de coiffeurs, on est là. Voilà. Pitbull est mon invité ce soir. Il dit bonjour à tout le monde. Hey, il dit bonjour à tout le monde. Classe, classe, tu vois, tu sais quoi? Voilà, classe. Classe. Very, very classy, as always. All right. Oh, tell him. Thank you very much. I appreciate it. Hey, boo. Happy to see you. Happy to see you, my friend. Really happy to see you. There we go. Boom. I'm in the game now. Micro est trop fort? Non, non, c'est bon, il est réglé. Do you hear me? Yeah, yeah, now I hear you. Perfect. Ah, classe. Tu vois, hier, je ne savais pas comment il allait venir. J'allais dire, il va être classe. Classe. He knew you were going to come dressed classy like toujours. This. Well, tell him thank you very much. I appreciate it. And of course, man, I had to get sharp for you. Bah attends, c'est pour toi encore un Moi aussi, j'ai acheté cette petite veste. You bought this little jacket for you too. Yeah, yeah, yeah. That looks classy. Très classe. Ça me fait très plaisir. On s'était pas vu depuis quand? 3 ans. Ça fait un moment. How you doing? Everything good? Good to see you guys again. Yeah. Tout le monde va bien? 3 ans. Oui. If I would have known you were going to wear a New York hat, I would have brought you a Miami 305 hat. Ouais, t'aurais amené une casquette de Miami si tu savais. Hein. Oui, c'est vrai, une casquette de New York. Ah oui, la prochaine fois. Dans 3 ans. In 3 years, when you come back. Yeah, in 3. Now we'll be back before that. Non, il va revenir avant. Est-ce que d'abord, avant qu'on ait des questions et qu'on soit ensemble, est-ce que la vie est belle? How's life? Life is great. Thank God for that. Dieu merci, la vie va très bien. Est-ce que tu es heureux? Are you happy? Always. Toujours. Hey, every day above ground is a great day. Tous les jours sur terre, c'est une bonne journée. Comment va Miami? How's Miami? Miami, nice, hot, sweaty and sexy. Il fait bon, on transpire et c'est sexy. Non mais la dernière fois, j'ai pensé à lui parce qu'il y avait une alerte ouragan à Miami. J'ai dit, ça y est, la maison. He heard about a hurricane alert, so he was like, oh my God, his house. Oh no, you don't have to worry about that. We throw hurricane parties. Ils font des fêtes pour les ouragans. Ils les accueillent, les bras ouverts. Yeah. Pitbull est notre invité. Ouais, on essayait d'écouter plein de titres, mais il y en a des tonnes. Yeah, we were trying to listen to all the songs, but there's so many. Oh, working hard, man. Trying to keep up with you. Est-ce que vous essayez de te suivre en fait? Est-ce que... Ouais, je comprends. Est-ce que vous vous souvenez de... Tiens, on parlait de celle-là avec le public tout à l'heure. Moi, je l'avais vu Pitbull il y a 2 ans au Zénith de Paris. He saw you perform at the Zenith in Paris like 2 years ago. Ah oui, j'étais là, j'étais avec toi. Yeah. J'étais allé lui chercher. We actually met down in Miami years ago. Et vous étiez vu à Miami aussi? Mais oui, partout. On se voit partout et il a foutu le feu parce que le public français, c'est pas le public le plus ouf du monde. The French audience can sometimes be a little hard, but it was amazing at the Zenith. Oh, we had a lot of fun. Ouais, c'est clair. We had them dancing, getting loose. Tout le monde dansait. Non, c'est vrai, il y a une bonne ambiance. Et il y a celle-là, moi, il y avait celle-là. Allez où celle-là? Et c'était vachement bien son concert parce que Marc-Anthony était pas là, il y avait un écran avec la pluie et le visage de Marc-Anthony. Yeah, there was a screen with Mark Anthony's picture and the rain. It was very cool. Very cool. C'était vachement bien. Celle-là. Elle a tellement. Mais il y en a plein, gars, celle-là évidemment. Oh, un détonne. Tiens, avec Gio. Wow, y a que des trucs bien. Ça y est, on est à Miami, on y est là. Feels like he's in Miami. La. Le 10e album. Album number 10 on October 7th. Hey, you know what? Been very blessed to be able to have a career like the one that we've had. We've been in the game 16 years. Ça fait 16 ans qu'il fait ça. You know, and thanks to the fans for that, because without the fans, there's no Pitbull, there is no movement. I always say it because it's the truth. So thank you guys, really appreciate it. Merci aux fans, parce que sans les fans, il n'y aurait pas Pitbull, il n'y aurait pas tout ce qui se passe. Et si ça n'avait pas marché la musique, tu aurais fait quoi? If music hadn't worked for you, what would you have done? De légal, bien sûr. Legally here. Something legal, of course. Look, one way or another, we were going to be successful in life. So. Quoi qu'il arrive, il aurait eu du succès. Donc, Restez avec nous. Voilà, mais c'est bien, ça, c'est bien de dire ça. Peu importe ce que je fais, succès. Écoutez, Green Light, Pitbull, il est notre invité sur Énergie. C'est le nouveau. L'album, faudra attendre le 7 octobre pour la sortie. Écoutez ça. Ah, c'est bien sur Facebook. Il a 59 millions de gens qui le suivent. Wow. 59 million people on Facebook. Ah, c'est tout. C'est bien. Il est notre invité ce soir. On se fait un vendredi de ouf. Écoutez, Green Light avec Florida. Darling. Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. That means that we can do anything, anything that you dream. I wanna make it ooh, ah, hear you scream, and I practice. That's what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. I let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ, the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is, mommy, for you to give me the green light, so I can run through it like an easy pass. Find a G-spot and step on the gas. Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. I'm ready, pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Lego. Give me what I asked for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. Arena Venus, flow of genius. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out, slide out. Rally stripes, Cindy 500, bye bye. Take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. What you waiting for? Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. Sur Énergie. Il est là! Pitbull est notre invité! Ce cri-là! Vas-y, c'est magique! Généralement, il y a toujours un petit écho derrière quand il le fait. There's always a little echo when you do that little shout thing. You see that? That comes from, we call it like a war cry. Voilà, so, c'est le cri de guerre, c'est ce que je viens de dire, exactement. When we were getting in trouble in Miami, you know, I've never been a troublemaker, just always been around some trouble. Oui, c'est jamais lui qui causait les ennuis, il a toujours été autour de ceux qui causaient les ennuis. Il tient à préciser. So when there were certain situations going down, in order for us to call the pack back, you know, you say, yeah! Voilà, ça c'était pour rassembler les gens quand c'était le bordel. C'est pas lui, il s'est jamais fait gauler, quoi. Sarah qui avait une question. Bisous, ma Sarah. Allô? Bisous, Sarah. Oui, allô? Bonjour, Sarah. Pitbull, Sarah. Bonjour, hey, Sarah, Alexis, bonjour à Pitbull. Vas-y, question. Il avait comme projet de faire d'autres chansons avec Jennifer Lopez ou bien avec Chris Brown. She wants to know if there's any other songs planned with Jennifer Lopez or Chris Brown. Well, we just had a song with Chris Brown, which was fun. But on this album, you have one with Jennifer Lopez that's called Sexy Body. Alors sur cet album qui va sortir, il y en a une avec Jennifer Lopez qui s'appelle Sexy Body. Et il vient d'en faire une avec Chris Brown. Yeah, which I mean only makes sense because last time I checked, Jennifer Lopez has a very sexy body. Il y a beaucoup de sens parce que la dernière fois qu'il a vérifié, c'est quand même un peu son corps, quoi. Tu vois. La dernière fois qu'il était venu aussi, on avait vérifié. Il a yeah, last time he came, she checked as well. Yeah, Sexy Body. Yeah. Gorgeous. Et une autre question, sublime. Oui. C'est possible. Oui. Pourquoi petite bulle? On a dû lui poser 20 000 fois, mais yeah, she probably got this 20 billion times. Why Pitbull as a name? Why Pitbull? I mean, because if you study the dog, it's a dog that's stereotyped. Okay. Si on étudie le chien, c'est un chien stéréotypé pour être méchant. All right, for being aggressive. Agressif. All right, but it's one of the sharpest, smartest dogs. Mais c'est un des chiens les plus intelligents. Loyal dogs. Très fidèles aussi. Fights to the death. se bat jusqu'à la mort. Bites, locks, doesn't let go until mort it tears. Mort, lâche pas sa proie. And doesn't understand the word lose. Et comprend pas le mot perdre. Oh putain, oh, voilà. Dis donc. Yeah. Oh, c'est bon. D'accord. C'est trop fort. Nice. Bisous ma belle, je t'embrasse. Salut Sarah. Merci. Salut. Merci. Alors, je sais que d'habitude on est un petit peu lourd parce que dès qu'on a des copains, on le demande rarement, mais qui vivent au soleil, on se dit tiens, on aimerait bien s'incruster. Yeah. Often when we have friends who have houses, you know, in cool places like you, yeah. we don't usually ask to hang out in their houses. Stuff like that, because it's rude, right? We don't do it. No. But. Oui. No, but you're more than welcome to come hang non, mais out. T'es bienvenue, you know, I've been saying it all day. What happens in Miami never happens. As long as you know how to have a good time without social media, no pictures, then we can get into some trouble. Tout ça, eh ben vas-y, hein, il t'attend. Bon, alors, va faire vérifier deux, trois trucs quand même. Check your calendar, check your agenda, make sure you're free. Je check. Alors, est-ce que je pourrais faire une émission en direct de chez toi? Can you do a radio show live from your house? Hell no. Non. Et puis alors, okay. Hell no, c'est genre vraiment non, quoi. Just for fun. Yeah. Ok, est-ce que ta piscine est à quelle température? Parce what's the temperature of your pool? En dessous de 29, je mets pas un doigt de pied. The temperature of my pool? Yeah, below 29 degrees. No, it's Miami hot. Miami heat. It's always hot. Tu chauffes à la chaleur de Miami. Yeah. Ok, combien de chambres à la maison? How many rooms in the house? How many rooms? One. Une. Ah, on peut dormir tous ensemble. We can all sleep together. Yeah, bon. Sounds like my kind of party. Voilà, bah ça lui va. Bon, on dormira ensemble. You can sleep in your room. I'll invite Jennifer. Voilà, il va inviter Jennifer. But I don't think you'd be able to handle that. If he wanted you to say yes, we can sleep together. I don't think he can handle that party. Ouais, je crois que c'est trop pour toi là, non? Est-ce que faut que je vienne les mains vides si on vient manger chez toi? Je ramène les merguez pour le barbecue. What does he bring for like sausages for barbecue or something? Or do you have everything you need? No, we got everything we need. Oh, don't worry about bon, it. You just got to bring a good liver. Un bon foie. Yeah. No, I mean to be able to drink. Ouais, pour boire. Yeah, yeah. Voilà, oui. Bon, alors, oui, bah, oui. Alors, ceci dit, à chaque fois, et alors là, je suis d'accord, j'ai confiance en toi, sache-le. He trusts you. Know okay, this. Good. Mais à chaque fois, as you should. Ouais, bah, oui. Tu devrais d'ailleurs. I won't let you down. Il te descendra pas, tu sais. Mais à chaque fois, c'est des paroles en l'air et mais on he says pas. It's words, and we never do it. Ah. This man knows. As soon as he hits me with a text, I'm hitting him right back. Mais il sait que la seconde où tu envoies un texto, il va te répondre. C'est vrai. You know, not only do I talk about it, I be about it. Non mais il dit, genre, je le dis, mais moi je le fais. Mais il faut quand même que je vous dise que Pitbull, c'est quand même un mec, c'est surréaliste. Traduit au fur et à mesure. He says it's unreal. You're an unreal person. Yeah, I appreciate that. Des fois, t'envoies des messages, des bonjours, même à des gens en France, tu vois. Pitbull, c'est une star internationale. Tu lui envoies un petit message par SMS, il te répond dans la minute. He says it's true. If he sends you a text, you're going to answer right away. Yeah, right away. Alors yeah. Toi, tu mets deux jours à répondre. Even he takes 2 days to answer people. Yeah, that's too bad. Pour jamais. Or sometimes he doesn't answer. Bon, alors sache que je te crois. Yeah. Okay, so he believes you. Yeah, I appreciate it. Mais j'ai quand même préparé un contrat. But he still has a contract, you know, put it in writing. Standard, hein. C'est moi qui l'ai écrit. Just basic, he wrote it up. Mr. Pitbull, Pitbull's Palace, pitbull@gmail.com. To Mr. Koé Sébastien. Mm-hmm. I so signated Pitbull, authorized Koé. I hereby authorize. Yeah. To venir chez toi, je sais pas comment on disait. To come to your house. To make an emission, non. To make fun. Tell him not to worry about that. Go ahead and send that to my attorney. On voit ça à l'avocat, voilà. Oh, je suis pas sûr qu'il. Lawyer, take care of it. Bah, on a un huissier qui est là. Hein. They even have a bailiff. Ah, voilà. Un véritable huissier qui est très crédible. C'est mon avocat. Monsieur huissier. Est-ce que c'est réglo? Demande si c'est maître Giuliano. He's checking if the contract is okay, legal. Ok, great. De Monsieur Pitbull. Ah, bah, je veux la mienne. He needs your signature on the document. Si. No problem. Koé. Je vais donner à Monsieur Pitbull maintenant. Voilà, tu le donnes à Monsieur Pitbull. Mr. Pitbull's signature. I hope you don't fucking think I'm signing that shit. Il espère que tu penses vraiment pas qu'il va signer ça. Non, c'est une cigarette. Yeah, I got a signature for you. Hold on. Attends, il va signer un truc très drôle là, je pense. Ça sent le fuck. On fait pas ça. Voilà. Fuck no. Je veux dire oui en anglais. Non, tu sais, il y a bien. Fuck no. It's good, he said fuck no. C'est bon, ok. Patricia, on a le temps ou pas là encore? Julie, on a le temps? Oui, vas-y, t'as le temps. Patricia qui voulait faire un bisou à Pitbull, qui est notre invité. Vas-y, Patricia. There we go. Patricia. Oui, bonjour. Vas-y, ma chérie. Oui, je voulais savoir quand Pitbull est toujours en costard, si c'est sa technique de drague ou s'il en a une autre. She says, since you're always in a suit, is that the outfit you wear when you want to hit on the women, or are you just always wearing suits? Yes, no, we're always comme ça. No, this you is sleep a... in that outfit as well? No, I don't sleep in that outfit. No. I sleep naked. No, alors, il dort à poil. Yeah, but yes, this is a daily wardrobe. Et non, c'est voilà, sa garde-robe quotidienne, c'est comme ça. Oh, c'est d'accord. Toujours classe. Et encore une petite question, si je peux. Oui, bien sûr, Patricia. Oui, est-ce qu'il fera notre titre avec Enrique? Are you going to do another song with Enrique? Je n'ai pas celui-là. Tell her we did do another song with Enrique and it's called Messing Around. Eh ben, il y en a une autre qui s'appelle Messing Around qui a été faite avec Enrique. Which she sounds like she wants to do. Apparemment, je pense. D'accord. Messing Around, ça veut dire s'amuser, faire des cochonneries. Et il dit, j'ai l'impression qu'elle a envie de faire ça, elle. Ouais. Avec Enrique. Ah, tu peux. Allez, à bientôt, Patricia. À bientôt, merci. Bisous, ma chérie. Salut. Bisous. Reste avec nous. Pitbull est notre invité. On est là. Et il est là, lui aussi. Ça me fait très plaisir qu'il soit là. Tu traduis pas, ça? Non. We'll be right back. Elle a pas dit ça. Parce que j'ai dit, ça me fait très plaisir. He says he's very happy to have you. Oh, man, it's really my pleasure. Thank you for having me. Toi, fais gaffe, toi. Je t'aime. Oui, bah, fais gaffe quand même. Je t'aime quand même. Pitbull sur énergie, genre. Je fais une grande phrase et we'll be right back. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let you're blind in the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Of love. When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair, but it's all testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy. Sur Énergie. Oui, on est là. Le nouveau titre de Pitbull est là aujourd'hui. Il est avec nous depuis le temps. Depuis le temps, est-ce que tu sais toujours pas parler français alors? Still no French after all this bonjour. Time? Nah, just a lot of French kissing, that's it. Non, il roule les pelles, il est plus voilà. Même pas un and bonjour. The number one word, ménage à trois, perfecto. Voilà, ménage game. À trois, c'est son mot préféré. Yeah, ah, that's fun. Bah comme toi, hein, en fait. Hein. Like me. Kind of like me. Le ménage à trois. Ménage à trois. Dedans, sa philosophie. Little voilà. Word, like croissant, bonjour. Hey, croissant, bonjour. I learned a couple bad words, that's it. Il a appris quelques gros mots. Ah oui, ça. Oui. Vas-y. Vas-y, the bad words. You can. Go yes, for yes, it. Here we go again, right? Yes, you can. Sus mes boules. Sus mes boules. Oui, c'est vrai. Ah oui, le deuxième mieux. Ouais. Suce mes boules. Suce mes boules. Voilà. How's the other one go fuck yourself? Il a dit cesse mes boules, j'apprends à bien le dire. How do you say How do you say go fuck yourself again? Nick Taras. Nick Taras. Il a appris aujourd'hui à dire Nick Taras. C'est bon, toi qui lui as appris, Nick Taras. C'est vrai. Bravo, Elsa, dis donc. Bravo. L'esprit, bel esprit. Mais parce qu'aux États-Unis, ils peuvent pas dire des gros mots à la radio, donc ils se lâchent. Here you can say bad words on the air. So yeah, like, yeah, I'm fucking voilà. great. I mean, voilà. I think it's amazing. This is freedom of speech. Ça, c'est la liberté d'expression. Par exemple, aux États-Unis, fucking great, il peut pas dire ça. Yeah. So you can't say like fucking great on the air in America. I wish I could fucking say it's fucking great on the air in America. Ah, c'est marrant. Beep, beep, beep. Yeah, that's some bullshit, right? We should be able to say fucking great on the air. Bullshit, on peut pas le dire non plus? No, you can't say bullshit either, right? Not even bullshit. C'est chaud. Pas de gros mots. Yeah, that's some bullshit. Toi, on est bien en fait. Ouais. On y arrive. Le CSA veille, on y arrive. Ouais, c'est ça. On fait un bisou à Pierre. Tiens, une bonne question. Vas-y, mon Pierre. Salut toute l'équipe. Salut Koé. Hi, Pitbull. Hello, how you doing, buddy? Je veux savoir qu'est-ce qui l'a poussé à faire de la musique. He wants to know what made you get into music. What made me get into music? Growing up, there was a lot of things going on around me. And it was, quand il grandissait, il se passait pas mal de choses autour de lui. You know, a lot of interesting things. And music was my escape. It was my therapy. La musique, c'était un peu son échappatoire, sa thérapie. And when I heard other guys rapping on records about things that I could relate to, I said, you know, I was like, wow, you could really talk about these kind of things on records. Et il entendait des gens qui rappaient sur des choses qui le concernaient, qui lui parlaient. Donc il s'est dit, on peut vraiment rapper sur ce genre de choses. C'est intéressant. Et ouais. Voilà. So, je peux vous poser une autre question quoi? Attends, il n'a pas fini. Attends, non. No, what did he say? He's going to ask something. He has another question. We're like, wait, he's not finished. No, no, go ahead. Non, vas-y. Then you got pretty much the fucking answer. Yeah. Je voulais savoir sinon s'il y avait des chanteurs qui ont refusé un featuring et si oui, lesquels hein? Et s'ils sont encore vivants, ils sont plus de ce monde après. Did any artist ever refuse a featuring? And if so, are they still alive? There's plenty of them that are still alive, and there's plenty of them that have refused. Il y en a plein qui ont refusé. There's been those that have refused that have come back to do a record anyway. Et il y en a qui ont refusé, qui sont revenus après pour faire un disque. Et là, il a dit voilà. Non. And then you said no. You said fuck no. Then you do the record. Non, tu fais le disque. And we call it galleta sin mano, which means that means you slap them without touching them. Ouais, en gros, c'est genre dans le cul, quoi. Voilà. Très bien. Yeah. You say no. Yeah. Bisous, mon Pierre, je t'embrasse. Merci. Allez, salut, à plus. Ciao, mon pote. Tiens, Stan, une dernière question avec Stan. Vas-y, Stan. Bonjour. How are you? Salut. Oui. Hello, hey, how you doing, man? Non, moi, je voulais savoir simplement si j'avais prévu de faire une tournée en France. Is there a tour or concert planned in France anytime soon? Yes, we're working something out for next year. It looks like me and Enrique Iglesias are going to be going on a world tour together. Ah, bah alors apparemment, il va peut-être faire une tournée mondiale avec Enrique Iglesias. Oh, et il va passer par la France l'année prochaine. Ah, lourd. Cool. Bien joué, ça, on sera là. We'll be there. T'as la réponse, mon Stan? Bah oui, moi j'y serai. He'll be there too. No, well, thank you, I appreciate that. Merci à bientôt. Beaucoup. À bientôt, ciao. Ça veut dire quoi, le, oui, quand on... Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? T'as fait why? Stan? Oui. T'as fait Ah non. Si t'as fait. Si. Alors à ce moment-là, j'ai pas fait exprès. Ah bah voilà. Bah, sache que tu fais des sans faire exprès. Salut Stan. Mais c'est totalement volontaire. À bientôt. Ciao. Qu'est-ce que ça veut dire que green light? Le feu vert. La patte de l'expert. Ah oui, c'est vrai. I didn't know what green light. You know that green light in French? Yeah. It's feu vert. It's what now? Feu vert. Ah putain, il faut faire gaffe, c'est une marque. What does that mean? C'est une marque. Green light, it's a brand as well. Oh, it's France, a brand, okay. Ouais. Well, the reason that we made the record Green Light was so that what we're trying to do is tell all the beautiful women around the world, sexy, sophisticated, powerful women around the world, for them to give us the green light. En fait, c'est pour dire aux femmes très belles et sophistiquées à travers le monde de leur donner le feu vert. Attends, bouge pas, c'est la version, bouge pas, attends. That's right. Get it. Green light. Ouais, take a shot. Red light, green light. Red light, c'est feu rouge. Attends, essayons en français. En français, c'est red light, c'est feu rouge. Feu rouge. Feu vert. Feu vert. Try. Feu rouge. Feu zoom. Feu vert. Non. Feu rouge. Feu vert. Try that this one. Bete bala binga. Voilà, dis ça. Feu rouge. Feu vert. Got it, see? Try your own. C'est moins joli en français, hein. Ouais. I got one for you, quiet. I got one for you, ready? Fuck you. Ça ressemble, hein. Ça ressemble, hein. Ça marche pour toi, il a dit. Hein. Ah, merci les copains. Hein. Give me everything you get. On va aller rester avec nous. Oui, fuck you, ça marche. Hein. Yeah, it works though, right? It works. Try again. Ready? Fuck you. Fuck you. Give me everything you got. Fuck you. You too. Give me everything you got. C'est que des compliments ce soir. Hein. C'est comme ça que tu parles aux amis. Now we got the remix. Tell them now. That's how you talk to your friends. Yeah, man. I'm just, bah oui. You know, good friends know how to tell each other to fuck off. Mais les bons amis s'insultent. Oh non, fuck you aussi. Fuck you too. Fuck you too, man. There you go. Voilà. See what I'm saying? Now you're getting the hang of this. Il est passé où le papou? Il appelle papou dans ses messages. Ah ouais, il appelle papou dans ses SMS. Qui appelle qui, papou? Ah oui, alors, ouais. Pitbull l'appelle papou. You call him papou. Parce que ça veut dire text. Do you know that? Papou. Yeah, papou's like buddy, my friend. Ouais, c'est comme poteau, quoi. Yeah. Voilà. Ouais. Yeah. Ça va. 19h-22h sur Energy. It's papo. Papo. There you go. Yes. Papo, papito. Oye, papito, ¿cómo anda? Ah, it's papo on Energy. Reste avec nous, Pitbull est notre invité. J'espère que tout va bien. On est vendredi soir. On se passe un bon moment. J'espère que vous aussi. C'est une putain de soirée. Dans un instant, surprise. Tous les matins, avec Manu dans le 6-9 sur Energy, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la traduction. Ok, oh, c'est bonne, bien. Bah, bonne fête aux traducteurs et à Google Translate. Ouais. Merci, bon anniversaire. Et demain 1er octobre, il y aura deux journées mondiales. La journée mondiale de la musique classique et la journée mondiale des personnes âgées. Ok. Logique. C'est marrant la coïncidence, ouais. Non? Bah, c'est QFD, hein. C'est... Bon, tu peux pas dire c'est pas fait exprès. Hein. Là, ça se voit un peu quand même. Rendez-vous lundi, 6h-9h30 sur Énergie. Moi, pour le jeu vidéo, c'est la nouveauté avant tout, comme la nouvelle PS4 ou FIFA 17. Ah, moi, pour le jeu vidéo, c'est le prix qui compte. Moi, c'est la nouveauté et c'est Leclerc. Ah non, c'est le prix le plus important. Et moi, je vais chez Leclerc. Leclerc ? Découvrez la nouvelle PlayStation 4 1 Tera et FIFA 17 pour 349€ seulement chez Leclerc. Voir modalité de l'offre dans les magasins participants, prix maximum conseillé. Faites la teuf sur Energy tous les week-ends avec les top DJ mondiaux. Energy. Extravagant. The DJs are great. Tiesto, Avicii, Martin Garrix, Armin van Buuren, Hardwell, Dimitri Vegas et Like Mike, Steve Aoki, Afrojack. Et samedi 20h avec Morgan Nagoya et Jay Styles jusqu'à minuit. Ce soir à minuit, c'est Tiesto. À 2h, Armin van Buuren. 4h, Sander van Doorn. Et à 5h, Steve Aoki qui mixe Energy Extravadance. Ici, c'est Energy. La radio des top DJ mondiaux. En ce moment, Julie et Coé ont un peu le trac. Eh, normal, ils passent leur code. Eh oui, le code de la route. Avec La Poste, pour 30€ seulement, on peut passer son code. Alors faites comme eux, partout en France et près de chez vous, avec La Poste. Pour s'inscrire, c'est simple. Rendez-vous sur laposte.fr/lecode. Un chasseur de primes, un joueur, un hors-la-loi, un pisteur, un tireur d'élite, un guerrier et un assassin. Les sept mercenaires. Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke. Dites à Bog, et s'il veut sa ville, faut venir me voir. Les sept mercenaires. Sept colts pour un chef-d'œuvre d'action. Actuellement au cinéma, avec Énergie. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc. En ce moment, c'est l'opération super pouvoir d'achat avec les plus belles offres promotionnelles de tous les temps. Des réductions, du gratuit, du ticket Leclerc sur des centaines de produits. Le meilleur de toutes les plus belles promos Leclerc est là, réunis en même temps dans tous les rayons de tous les magasins Leclerc. Ah oui, quand même. Du 20 septembre au 29 octobre, les plus belles promos Leclerc sont toutes réunies chez Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat. Va mon héros, va chez Leclerc. Gagner des consoles PS4 et le jeu vidéo Mafia 3 avec Energy. C'est Guillaume de Guillaume Radio 2.0. La semaine prochaine, Guillaume Radio 2.0, de 22h à minuit, vous offrira des consoles PS4 et le jeu vidéo Mafia 3 avec Energy. Ça sert à rien de lutter contre sa vraie nature. Mafia 3, disponible le 7 octobre sur PS4. Avec Energy, hit, music only. Viens me voir paraît, c'est vrai qu'on se connaît. Je veux la suivre ce qu'elle veut me montrer. Elle veut partir et m'emmener me fêter. C'est nouveau, j'ai pas envie d'essayer. Elle a l'habitude et dit que c'est bien. C'est vrai que je ne suis pas curieux. Elle me dit de sortir avant d'être vieux. Non, non. Elle veut m'inciter mais j'aime pas danser. Je ne suis pas du genre à faire semblant. Le temps passé, je ne veux pas bouger. On meurt un jour et moi j'attends en m'occupant. Je la suis comme si j'étais son ombre. Mon téléphone n'a plus de réseau. On se perd et peut-être qu'on a raison. Ah, je ne vois plus la maison. Attends là, je ne vois plus la maison. Hey, je ne perds pas l'heure, je promets. Je commence à y prendre goût. Oh ouais. On ne voit personne, on est partout. Sous la terre, sous le soleil. À part ça, je ne sais pas pourquoi elle emmène un mec comme moi. Mais ça me plaît quand elle me fait voyager. Twitter, 59 millions de personnes sur Facebook. 22 millions Twitter, 59 millions on Facebook. Ah, mais 22 millions, j'en ai 2,2. He has 2 million on Twitter. Ah, c'est déjà pas mal. That's great, man. C'est génial. Congratulations. Félicitations. Yes, papo. Yes, papo. There you go, you're getting the hang of it. T'as compris. Fuck you, my friend. Hey, fuck you too. Et non, mais je disais, c'est l'album, donc il va arriver dans quelques jours. Hein. Ouais. Ah, climate change. Le changement de climat. Oui. Ça va être quand même, rassure-moi, c'est un album de fête. It's a party album, right? I mean, it's a record. Yeah, it's a record. We want people to dance, have fun, enjoy, get loose. Les gens s'amusent, escape. But at the same, échappatoire aussi. At the same time, if you look at the albums that I've put out, you have global warming, you have globalization, and now you have climate change. Oui, il y a un thème avec les noms d'albums. Réchauffement climatique, tout ça, voilà. Donc, so there's definitely un message aussi. There's definitely a deeper message behind it. But if I were to make a record about climate change, no one would pay attention to what I'm talking about. Si c'est un album sur le réchauffement climatique, personne ne l'accepte. Exactly. It's rain. Yeah, we're running out of water. We're running out of food. Voilà, on n'a plus d'argent, on n'a plus de You know, the sea level's rising. We're cutting all the trees. I don't think nobody's going to listen to that. Personne va écouter. Hein. But if we make music where they can have fun and enjoy, and just like this, little by little, we let them, you know, voilà, we get the message across. Il a raison. You're right. Little by little, people start to listen and understand that there's a deeper message. Et donc du coup, les gens écoutent et comprennent qu'il y a vraiment un message plus profond caché, quoi. And at the same time, we're going to change the fucking climate in the music business. Et en même temps, on va changer le putain de climat dans le milieu musical. On change le pull. Fucking quoi. Elle y va, elle y va. Bon, see, I gotta say fuck a lot today. Ouais, la journée à dire fucking. Ouais, elle aime bien. C'est un truc qui fait. D'habitude, elle fait les traductions du pape. Donc là, elle peut y aller un peu machin. I translate for the pope. I don't say fuck. Oh man. Non, il dit jamais fuck. Ah, Pitbull, il faut que je te présente quelqu'un. He has someone to introduce you to. Okay. Un mec qui est fan de toi. He's a fan of yours. All right. C'est un mec. Si vous êtes fan d'Insta. Si vous êtes sur Instagram, fans of Instagram. C'est le phénomène de ces trois derniers mois. Le mec, il a pris 5 millions d'abonnés en 3 mois. He, oh man, three, in 3 months, 5 million subscribers on Instagram. Il est italien. He's Italian. Okay. Et le mec, il est homme d'affaires, businessman, richissime, very mais rich, cool. But very cool. Et son kiff, il danse avec sa femme. And he likes to dance with his wife. That's great. What he likes to do. Et, yeah. il danse sur les chansons de Pitbull. En train de vas-y, mais. He likes dancing on your songs. Je vais montrer quand même. T'as la musique. Non, ouais. Allez, non mais c'est énorme. C'est énorme, hein. Énorme. Et ça fait plus de 11 millions de vues. Hein. And this, like 11 millions million de vues. That's great, man. Elle ça, elle revient pas. Je suis taquée, mais non. Petit pas de danse. C'est pas que c'est lui. C'est bon, non? Ouais, c'est énorme. Avec sa femme qui est ouf aussi. Ouais, sa femme est ouf. Tout le monde est ouf dans la famille. Ouais. Et quand on lui a dit que t'étais là et qu'on aimerait bien le recevoir, comme il est très riche, il a pris son jet privé. When they told him that you were coming, since he's very rich, he just flew on his private jet. Et il est là, il s'appelle Gianluca. Va qui? On dit comme ça? Gianluca. Gianluca! Buongiorno! Buongiorno a te! Hey. Bonjour à toi! Bonjour à toi! Excusez-moi, mais mon français est terrible! Hein. Mais mon italien est à chier, donc on va se sentir. Voilà, je voulais faire la présentation parce qu'il danse sublimement avec sa femme. Yeah, he wanted to introduce you guys because he dances amazingly well with his wife on some of your songs. Well, I want to say thank you, grazie. Yeah, un plaisir. Yeah. It's a pleasure. It's a pleasure. Mais ce qui est fou, il n'est pas danseur, cet homme-là. C'est pas. Il yeah, you're not a dancer. C'est pour le fun. I mean, he dances well. Well, he just does it for fun, is what he means. Yeah. Yeah. Il n'a pas appris à danser. Very beautiful wife, by the way. Oui, oui, oui. Beautiful wife. J'ai une autre vidéo. Il y a une seconde. There's another video. Voilà, c'est magique. Mais est-ce qu'il a appris à danser ou pas? Did you take dancing lessons or not even? Regarde. Pour vous qui êtes écoutés à la radio, vous allez suivre la vidéo après. Ils sont là, la cool. Et à un moment donné, chorégraphie. Et voilà, tranquille. C'est génial. Soleil, sun. Sur les gars. Eh, faites du sport, vous, hein? Eh, beaucoup. Beau corps. Ouais, il est cool, hein? Beautiful body. Et il est sexy, hein? Bien. Attention. Fireball. C'est génial. C'est fantastique. Il dance. Yeah. Attends. Alors, j'ai envie de savoir. Excusez-moi. Ce que je disais tout à l'heure, je l'ai croisé. Quand on est businessman, en théorie, on est en costard cravate. On est un peu chiant. Yeah. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais danser avec ma femme et je vais le mettre sur Insta. Yeah, normally when you're a businessman, you just wear a suit and you're boring. What made you say I just want to dance when you make videos with my wife and have fun? Parce que je connais que j'ai seulement une vie et je veux avoir de l'amusement. Oui, one dans life, la vie. Once enjoy, one life. J'aime ce mec. Belle philosophie. J'aime ce mec. I agree. Ouais, d'accord. I love this guy too. Yeah, I love you back. Fuck you. mais maintenant, je suis devenu un cadeau en France. Parce que le lundi, j'étais un cadeau pour mon ami Gad Elmaleh. Oui, et maintenant, je suis un cadeau pour lui. He's a gift in France. People have him on shows as a gift for other artists. Mais il pensait que ça allait prendre autant d'ampleur juste en mettant une vidéo. Did he think it was going to get this big? By posting videos. Il y a plein de gens qui postent des vidéos en dansant, etc. Yeah, mais ça fait pas 11 millions. When they're dancing, but they don't do 11 million views. Yeah, but it even did more than 11 million. Ah, mais ça fait même plus que 11 millions. Hein. Oui. Yeah, more or less 20. Yeah. Ouais, plus ou moins 20. Congratulations, bossé, hein. Google Trad. Bon, en attendant, voilà, on voulait faire la rencontre. C'est vrai que vous êtes venu dans le jet privé et tout? You came in your jet? Ouais, putain. Et il est venu avec sa femme. Hein. In French, we say, t'as la belle vie, mon salaud. Ouais. Nice life. Ouais. Nous n'avons seulement un. Oh, Only one private jet. Five jets, mais one life. Alors, le 31 décembre, on résume cette émission. Okay, yeah, to sum up the show. Je suis chez Pitbull. On New Year's Day at your house in Miami. New Year's Eve in Miami, you're going to come down. Et j'y vais avec le jet de John Luca. And he's going with John Luca's jet. Tu te pètes bien, toi. The guy's cutting a deal. By that time, the guy will have 100 million views. Et puis là, il aura 100 millions de vues à peu près d'ici là. Then he'll have 20 private jets. Et là, il aura 20 jets privés. La question que tout le monde se pose, est-ce qu'on peut danser dans le jeu? Je passe tout l'hiver aussi à Miami. Hein? À Miami. Oh, Miami. Ça y est. J'ai une maison à Miami. He has a house in Miami. Oh, excusez-moi. Smart man. Vous avez des problèmes de peau, les gars. Vous pouvez acheter un pass francilien, s'il vous plaît. Non, mais justement, qu'est-ce qu'il fait ces journées, du coup? Parce que... What do you do all day? Dance. Me? Yeah, but you dance? Non. Je travaille à le téléphone et je fais de la gymnastique. He works on the phone, he works out. Ah, je ne connais pas ce que je ferai demain. J'adore. De chaque jour. Bon, on va terminer dans un instant là-dessus. Mr. Pitbull, l'album qui va sortir dans quelques jours en France, si on le résume, c'est on continue de faire la fête avec un album comme ça qui va tout retourner. If we sum up the album coming out, we continue to party and the album's going to be huge. Hey, this is all about enjoying life, man. Enjoying the ride. Yeah, like you said, one life. Comme il dit, il s'agit de profiter de la vie, on n'a qu'une vie. Exactement. Bon, 31 décembre, j'arrive à l'avion de 16h. He'll be in Miami around 4 p.m. on December 31st. Ah, bah, oui, Pitbull, il n'a pas dit, mais je suis le danseur de son prochaine chanson. Need to put it together. Ah bah franchement, moi, j'ai envie de dire. Ah ouais, we'll do the video in his private jet. Dans le jet privé, bien sûr. Yeah, but of course. Naturellement. Vous avez des méga problèmes, les gars. Ouais. Moi, vous savez que quand je vais partir sur mon scooter, ça va me faire bizarre. Hein. He's gonna leave with his scooter. He's gonna feel a little depressed. Mais il y en a aussi des scooters 40. But he has 40 scooters. Attendez, excusez-moi. Ça peut faire un super clip. On est vendredi soir. Non, mais il faut danser. C'est vendredi. On peut pas partir sans une petite danse. Voilà, we need a little demonstration, Gianluca. Si on l'a fait tous ensemble, everybody dances. Tu commences, j'arrive. Et après, on voit. You start and then he'll move in with you. Et okay. Tous ensemble. Allez, il est vendredi, tous ensemble. Allez, applie le son, mets-moi, laisse-le se mettre en place. Voilà, on te laisse se mettre en place. Hein. Tu te mets en place là, vas-y, tranquille. There you go, you got the whole crowd. Non, on peut enlever. Il y a les sons. Ouais, mais il ne faut pas parler s'il danse. Non, y a pas de... il danse avec les pieds. Non. Mais non, enfin, il danse avec les pieds. Au danseur, au vocaliste. Hein, mais voilà. Merci. Pas tout faire. Hein. Attends, t'es prêt? On y va? Ready? Faudrait qu'on parle un peu de télé. Vous avez remarqué qu'on parle jamais de télé. J'en parle chez mes camarades, mais là, on ne s'en parle jamais, nous. Oui, est-ce qu'on regarde ce que vous kiffez, ce que vous n'aimez pas? Je sais que tous les soirs, vous êtes un million à nous écouter. Bon, vous préférez nous écouter que mater la télé. Mais vous savez quoi? Je comprends. Parce que je mate la télé des fois quand je rentre le soir après l'émission. Franchement, mais excusez-moi, j'ai l'impression d'être un vieux con quand je le dis. Mais après, on rentre tard. Il n'y a que de la merde. Les premiers films, ils sont déjà passés. Mais vous regardez des trucs, vous êtes... Moi, je ne regarde plus trop la télé. Je ne regarde plus la télé. Oh là là, la dernière fois, je suis tombé sur un nouveau look pour une nouvelle vie. Ah, tous ces trucs-là, je peux pas. Mais c'est juste que. Non, mais c'est pas tellement ça. C'est juste que quand tu vois les spécimens qui te prennent au début, c'est-à-dire qui te prennent des. T'as pas besoin d'elle. Tu l'amènes, tu lui mets n'importe quoi de classe au mec ou de plus propre, déjà de plus propre. À la fin, il est déjà transformé. Ouais, mais elle est, il y a du style dans ce qu'elle donne. Ouais, elle arrive à mettre le style pour chaque personne. Elle n'habille pas tous pareil, tu vois. Ah, ça, à la limite, moi, quand je suis devant, je suis premier à critiquer, mais tu me mets devant Nouveau Look pour une nouvelle vie, j'ai envie de voir ce qu'elle en fait. Ouais, moi, la fin, ça marche. Si, t'as envie. Moi, j'aime bien la nouvelle série de France 2. Mister Robot, là. Ouais, je suis en train de regarder aussi. C'est le nouveau style qui J'avais essayé de regarder Homeland. Je me suis fait chier. Au 8e épisode, le mec, il est soi-disant terroriste, il a buté un cerf. Au 8e épisode. Ouais, c'est vrai. Je me dis, putain, t'es pas prêt de mettre une bombe, mec, hein, à la vitesse à laquelle tu vas. Non, ça m'a saoulé. Ça, non, après, t'as des trucs genre Game of Thrones, des trucs, là, il se passe des trucs. Non, Game of Thrones, trop lent. Pareil, je suis arrivé au 4e épisode, ça me saoule. Ils peuvent pas te mettre des guerres de 3000 contre 3000 toutes les 5 minutes non plus. Faut que ça parte direct. Et je trouve que ça part jamais ça trop, lent, trop lent. Toi, faut que des films de Vin Diesel. Ouais. Fast and Furious. Un petit Jason Statham. Voilà. En fait, cette semaine, j'ai battu Safe de Jason Statham, ça marche. Ouais, j'adore. Ça marche. Mec. Vous l'avez pas vu? Non. Aux États-Unis, il protège une petite chinoise contre le cartel chinois à New York. Ouais, et ben le mec, il est tout seul. Il t'a buté la moitié des Asiatiques de Manhattan. Après, avec un couteau. Hein. Après, ouais. Encore, à un moment, il le perd. Il est à main nue. Le mec, il n'y a plus un resto chinois qui ouvre pendant 6 mois parce qu'il n'y a plus personne pour les tenir. Ouais. Et ben, à la fin, t'y crois. Restez là. Question pour un Yeuve. Est-ce que les vieux connaissent Jason Statham? C'était pas dedans, mais ça fait partie des meilleurs trucs qu'on a lancé cette année qui vous font kiffer. Écoutez. Question pour un Yeuve. Oui. On est parti, on appelle Bernadette. Bernadette, ce soir, sera opposée à Jean-Noël. Nous allons appeler deux personnes âgées au hasard en France. On a dit juste qu'on les appelait pour participer à un jeu, ils n'en savent pas plus. Je regarde s'il y a des descriptions de l'acte sexuel dans mes questions. Allô, Bernadette ? Bernadette ? Oh là là. Bernadette ? Ça va être très très dur. Bernadette ! Rappelez Bernadette. Pendant ce temps-là, on va appeler Jean-Noël. Oui, mais si Jean-Noël il joue tout seul, ça va être con. Bah oui. On va appeler Jean-Noël en attendant, qui habite Saint-Jean-d'Aubrignoux. Saint-Jean-d'Aubrioux. C'est joli comme nom, non? Saint-Jean-d'Aubrioux. Tu crois que c'est dit avec l'accent comme ça? Je sais pas. On fait Jean-Noël et Bernadette en même temps. Oh, si personne décroche, on va être tranquille. On va être bien. Jean-Noël! Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Coé, nous sommes sur Énergie. Comment allez-vous, Jean-Noël? Jean-Noël va bien. Et Coé va bien? Mais il va bien. Ça va, tout se passe bien, Saint-Jean-d'Aubrioux. À Saint-Jean-de-Brégoût, tout se passe bien, il fait beau. Ah, bah là, il faut en profiter. Ce matin, il y avait moins d'eux. Hein. Il y avait 2 degrés, quoi. Mais c'est où, Saint-Jean-de-Brégoût, pour qu'il fasse 2 degrés? Saint-Jean-de-Brégoût, c'est dans la Haute-Loire, à côté de Craponne-sur-Ardon. Ah, bah si c'est à côté de Craponne-sur-Ardon, alors là, ça, je vais le noter parce que. Il y a Bieber en concert demain là-bas. Oui. Séance dédicace à Craponne-sur-Ardon, je sais. Craponne-sur-Ardon, c'est l'endroit où ils font le country toutes les années. D'accord. Donc, Saint-Jean-de-Brégoût, c'est à côté de Craponne-sur-Ardon. Et Craponne-sur-Ardon, c'est à côté de quoi? Craponne-sur-Ardon, c'est à côté de... Bellevue-la-Montagne. Bellevue-la-Montagne. Pas Bellevue-la-Montagne, La Chaise-Dieu. C'est magnifique. Ouais, c'est, pour y aller, il faut prendre l'autoroute de direction du Puy. Voilà. Eh ben c'est génial. Saint-Étienne, Puy-Arménée. D'accord. Donc Saint-Jean-d'Aubrigou, à côté de Craponne-sur-Ardon, pas loin de Bellevue-la-Montagne, à côté de La Chaise-Dieu, direction l'autoroute du Puy. Direction l'autoroute du Puy. C'est ça. Bah, je sais où c'est maintenant. On va appeler Cunégonde puisque vous ne jouez pas tout seul. Non, l'autre on l'a perdu. Ah d'accord. On va jouer contre Cunégonde. C'est un beau prénom médiéval, ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Putain, oui. Elle a peut-être connu Richard Cœur de Lion. Cunégonde. Oui. Bonjour, comment allez-vous? C'est Monsieur Coé. Elle a connu Richard Cœur de Lion. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Vous-même. Magnifique. Je vous présente Jean-Noël. D'accord. Bonjour, Cunégonde. Bonjour. Jean-Noël. C'est Jean-Noël au téléphone. Oui, qui habite. Comment allez-vous? Vous êtes en forme? Et on va former des couples. Hein. Jean-Noël. Oui, bien sûr. Jean-Noël qui habite Saint-Jean-d'Aubrigou, à côté de Craponne-sur-Ardon, près de Bellevue-la-Montagne, à côté de la Chaise-Dieu, sur l'autoroute direction du Puy. Vous connaissez? Vous voilà. Connaissez? Non, malheureusement. Ah bah, tout le monde non. Et vous habitez où, Cunégonde? Moi, j'habite à Villefranche-sur-Saône. Plus facile. Ah, oui. Attention, voici trois questions. On va aller très vite. Ce sont des expressions de jeunes. On commencera par Cunégonde. Il y aura des propositions. Hein, vous Cunégonde, attendez, voilà. Attendez les propositions. Cunégonde, quel terme emploient les jeunes pour dire fumer? Comme chôter, bédave ou spliffer? C'est quoi, c'est spliffer? Je note spliffer. Vous diriez quoi, Jean-Noël? Bédave, spliffer ou comme chôter? Ouais, moi, je dirais la 2 parce que j'ai pas bien entendu. Là, je me rappelle plus bien des noms. Bédave. Ah, mais, il va falloir retenir les noms. Hein. Vous voulez dire bédave? Le deuxième, c'est bédave. Bédave. C'est bédave. Ouais. Oui. C'est la bonne réponse, Jean-Noël. C'est bédave. Ouais. Alors, merci, hein. C'est pas fini, c'est pas merci fini. Cunégonde, c'est pas Jean-Noël Cunégonde, deuxième question, et c'est Cunégonde qui répondra. Comment les jeunes D'accord. disent se prendre un fou rire? Quand on est jeune, on dit se taper des barres, se ken des tepus ou se péter le frein. Il n'y a pas de description. Non. Se taper les barres. Se taper des barres, vous dites, et Jean-Noël, vous dites. C'est la une, là. Se taper des barres. Ben c'est la une, non? Ouais, mais oui. faut répéter, sinon je ne compte pas. Ben c'est la une. Des barres, voilà. Double bonne réponse. Un point parti. Se taper des barres. Attention, alors là, celle-là, elle est facile. Écoutez-moi bien. Comment les jeunes appellent un dur à cuire de nos jours? Un badass? Un insi... Un quoi? Indias. Un indias, parce que c'est... On fera la traduction. Ou un bolos? Un indias, un bolos ou un badass? Qu'est-ce que c'est toi, un badass, moi je dirais. C'est l'anglais. Oui, je vois. Et Jean-Noël, vous diriez quoi? Moi, il y a un bolos. Et non, le bolos, c'est... Bolos, le... Ah, mais non, un bolos, c'est un ringard. Non, non, c'est pas la 3, Jean-Noël, non. C'est un badass. Et c'est quoi un indias? Indias. Indias. Oh putain, mais comment tu l'as écrit? Je me suis trompé. Bah oui. Voici la question pour vous départager. D'accord. Comment les jeunes disent entrer dans l'ambiance de nos jours? On se pécho, on s'enjaille ou on se segue levier? Jean-Noël. Ah mais moi, je dirais le 2, là. C'est comment le nom des gars? On s'enjaille? Répétez, faut répéter. On s'enjaille. Cunégonde, vous diriez on se pécho, on s'enjaille ou on se segue levier? Moi, je dirais on s'enjaille. Mais ils sont très très forts. Il y a égalité là. Ah mais j'en peux plus, ils sont à égalité. Voici la dernière question. Faut pas gagner hein. Voici la dernière question. Vous avez quel âge, Jean-Noël? 66. 66? Oui. Pas vieux, 66. Ça va. Ça va. Ouais, c'est pas vieux, mais bon. Pas jeune non plus. C'est pas jeune, non. Ben oui. Voici la dernière question. Que signifie balèque? Oui, oui. Attends, bah écoute. Que signifie balèque chez les jeunes? Balèque. Ça signifie allons au bal avec ou on s'en bat les couilles ou je bande? Ouais, moi, je dirais on s'en bat les cacahuètes. Vous diriez quoi, Cunégonde? On va au bal avec. Balèque, eh oui. Mais c'est pas ça. Non. Et vous avez dit quoi, Jean-Noël? On s'en bat les cacahuètes, les couilles. Eh bien, c'est effectivement. C'est la bonne réponse. C'est Jean-Noël qui gagne. Jean-Noël. Merci, Cunégonde. Jean-Noël de Saint-Brieuc-d'Aubrigou, à côté de Craponne-sur-Ardon, près de Bellevue-la-Montagne, à côté de la Chaise-Dieu, sur l'autoroute direction du Puy. On vous fait un bisou. Direction du Puy, ouais. Ah oui, ça n'a pas changé. Ouais. Je me doute que vous n'avez pas tourné le village dans l'autre sens. Ça, toujours dans la direction du Puy. On vous embrasse, Cunégonde. Je vous embrasse aussi, d'accord? Merci, moi aussi je vous embrasse et félicitations à Jean-Noël. Allez, bisous, on revient dans un instant sur Énergie. Merci, Cunégonde. Au revoir, quand même. 19h, 22h. sur Énergie. 22h. Énergie. Guillaume. Après, faut faire attention aussi avec les potes pas fiables. À qui t'invites Parce que moi, genre. C'est pas un pote alors. Non, moi, je fais des soirées, parfois on est 30. Il y a un mec qui mange sur mon canapé, je le démonte. Ah, mais non, c'est. Non, mais attends, attends. Non, mais j'invite que des gens respectueux. Non, mais je veux dire, à un moment donné. C'est pour ça que je suis pas là. Non, mais c'est pour ça que j'ai jamais invité. Guillaume Radio 2.0. Ce soir, 22h. On Energy. Gagnez des consoles PS4 et le jeu vidéo Mafia 3 avec Énergie. C'est Guillaume de Guillaume Radio 2.0. La semaine prochaine, Guillaume Radio 2.0, de 22h à minuit, vous offrira des consoles PS4 et le jeu vidéo Mafia 3 avec Énergie. Ça sert à rien de lutter contre sa vraie nature. Mafia 3, disponible le 7 octobre sur PS4 avec Énergie. Hit Music Only. Un pour tous. Non mais j'ai trop hâte de les voir. Je connais déjà toutes les chansons par cœur. C'est mon livre préféré. Tous pour un. Les Trois Mousquetaires, l'expérience musicale la plus spectaculaire de l'année. Olivier Dion, Brahim Zaibat, David Bann et Damien Sargue vous donnent rendez-vous à partir du 29 septembre au Palais des Sports de Paris. Avec Énergie, it's music only. Leclerc. En ce moment chez Leclerc, avec les super pouvoirs d'achat, le téléviseur LED Ultra HD 4K ailleurs, 102 cm, est à 299 euros. T'as acheté une télé. Tu m'étonnes. Une télé comme ça, à ce prix-là. Du 27 septembre au 1er octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le téléviseur LED Ultra HD 4K 102 cm ailleurs, avec 50 euros de réduction immédiate, est à 299 euros, dont 2,24 euros d'éco-participation après réduction. Voir modalités dans les magasins participants et sur le site i-tech.leclerc. C'est ça, les super pouvoirs d'achat. Étudiants, apprenti, l'année de vos rêves est déjà dans votre box all inclusive Société Générale. Un an de transport gratuit, de loyer, d'études à l'étranger. À vous d'imaginer votre box all inclusive. Vous avez jusqu'à 16 000 euros. Une box à gagner chaque semaine sur boxallinclusive.com pour une année de folie. Jeu avec tirage au sort jusqu'au 16 octobre 2016. Règlement sur le site. All inclusive égale tout compris. Pardon, poussez-vous. Ouais, mais il y a du monde ici, c'est quoi cette soirée? C'est la soirée Freebox Révolution, toutes les chaînes sont présentes. Oh la vache, et on est combien? Plus de 500. 500 chaînes? Ouais, et en plus, il y a des services replay là-bas, et toutes les chaînes HD au fond. Hé, hey, sexy les chaînes HD. Ah, je te le dis, les grandes soirées télé, c'est avec la Freebox Révolution. Merci. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité. Plus d'infos sur free.fr ou au 1044. Bientôt, la justice aura son chiffre, les 7 mercenaires. On est des braves gens et on nous chasse de chez nous. Vous êtes en quête de vengeance? Je suis en quête de justice, mais la vengeance, ça m'ira. Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke. Combien d'hommes, vous disiez? Les 7 mercenaires, 7 flingues pour un film de légende. Actuellement au cinéma, avec Énergie. Moi, pour le jeu vidéo, c'est la nouveauté avant tout, comme la nouvelle PS4 ou FIFA 17. Ah, moi, pour le jeu vidéo, c'est le prix qui compte. Moi, c'est la nouveauté et c'est Leclerc. Ah non, c'est le prix le plus important. Et moi, je vais chez Leclerc. Leclerc? Découvrez la nouvelle PlayStation 4 1 Tera et FIFA 17 pour 349 euros seulement chez Leclerc. Voir modalité de l'offre dans les magasins participants, prix maximum conseillé. La vidéo où il est en capote géante, Loris, dans la rue. Où ouais. Il distribue des préservatifs aux gens en plus. Pour la journée mignon. De la contraception. Aux mamies. C'est hein. Mignon. Aux mamies, ouais. Ouais, c'est mignon. Et il y a des mamies qui disent pas non. Hein. Ouais, c'est ça qui est bien chez les mamies. Mais Julie, mais quand tu seras vieille, tu crois que tu seras comment? Ouais, j'accepterai. Tu seras une mamie nymphomane et tu diras oui. Non, je ne serai pas une mamie nymphomane. Mais si, si, si, on viendra, des petits jeunes viendront avec des capotes, tu diras oh, c'est gentil. Viens là, petit. Tu diras, ça me rappelle des souvenirs. Tu diras la même chose. Avec nous, n'oubliez pas, on va kiffer la semaine prochaine. Il y a plein de stars qui seront nos invités. La semaine prochaine, on vous en a déjà amené des tonnes, mais c'est pas fini, je peux vous le dire. Lundi, il y aura Kinvé. Et ben là, on va voir Alvaro Soler qui attend là. Ah, là dans un instant. Ouais, il est dans le couloir. Oh là, Alvaro, donde, por favor. Il va falloir que tu t'entraînes. Hein. Resta ça là. Un cafetos. Le temps de passer à tout de suite. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. It's never much love when we go OT. I pray I make it back in one piece. I pray And that's why I need a one dance. Got an NSC in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need one dance, got Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold of me. Baby, I like your style. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. Como tú te amas, yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Como tú te amas, yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme, mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita, pregunta por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviendo todo eso pa' mí. No importaría un maní el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura que viví. Óyeme, ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbiando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. I need one dance, yeah. One more time before I go. Higher powers taking a hold. I need one dance. Quedarme contigo hasta el amanecer. Installe chez Koei sur Énergie. Ah, qu'est-ce que j'ai écouté cette chanson. Alvaro Soler. Alvaro Soler. Bonjour. Ramène-le en Espagne, notre derrière. Ça va, pas toi, hein, lui. Hein. Alvaro. Ah oui. Content de te voir. Moi aussi, merci beaucoup. T'as vu, tu parles bien français maintenant. Non, mais non, je parle. Oui, maintenant si. Si, bah, si tu parles français. Si, allez, non. Elsa Najjar, boum, on rentre à la maison. Non. Hop. Ça va, Elsa Najjar? Ça va, mon coco? Elle est au taquet sur lui, tu parles. Elle est contente d'être là. Mais oui, à chaque fois, elle le dit. Je trouve que les filles de cette équipe sont bizarrement. Do you know the French expression au taquet? Attends, si je peux me permettre, est-ce que je peux le rapprocher près de moi? Oh, yes. Bah voilà, pas le bon micro. Au taquet. This is an example of au taquet. Oh, we're a little excited. Overexcited. See the excitation. Tu as mis au taquet? Elle l'a quand même mis à côté de lui, quoi. Mais non, mais c'est le micro. Avec votre langue qui pend, vous êtes une espèce d'appli Snapchat, là. Vous êtes la langue du chien qui pendouille. Allez, il est jaloux, ça y est. Pas du tout, mais pas du tout. Ça m'énerve un peu quand même. Bon, Alvaro est notre invité. Le clip Sofia, là, que vous avez entendu partout. 184 millions de vues. Wow, 184 million views. Already, oh crazy. Wow. Holy shit. Voilà, il a dit shit. C'est une parole. C'est 1 euro par vue. No, you're loud. 1 euro par vue. 1 euro per view. Ça serait bien. 1 euro per view. So oh, that's rich. Good. That I should talk to someone. Ouais, faudrait qu'il parle à quelqu'un alors. Profites-en avec tout cet argent pour racheter des t-shirts à la personne de ta maison de disques qui s'habille trop chez Desi Wall. You should maybe buy a shirt for the person from your record label behind yes, you. I know. I should buy. Oh. Desi Wall. Desi Wall. Non. Maud, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas Desi Wall. C'est quoi? C'est quoi? Il est Van Paris. C'est le même designer. It's very cool. Hey. C'est beau. Moi, je lui ai dit où tu l'as acheté et tout. J'aimerais bien le même. Ils sont en prison, je crois, aujourd'hui. Chez ouais, c'est ça. Ils ont un petit procès qui va leur coûter cher, je crois. C'est en faute de goût, chez faute de goût. Bon, mais c'est joli, je plaisante. Il est très beau. Alvaro, on a plein de gens qui veulent te faire un bisou. Tout à l'heure, on se fera quel titre en live alors? Sofia. Sofia, parce que moi, j'aimais bien aussi celui-là. He likes that one. Thank you. On m'apprend l'espagnol, on révise l'espagnol avec ça. Enfin, je révise pas, je sais pas dire. We learn Spanish with yourself. Mais moi j'aime bien ce que fait Alvaro Soler. J'aime bien. C'est notre invité ce soir. Vous lui posez toutes les questions que vous voulez. On va faire par exemple un bisou à Océane. Ça va ma chérie? Oui, ça va et toi? Mais oui, bienvenue chez nous Océane. T'habites où? Merci. En Seine-et-Marne. Tu sais parler espagnol ou pas? Un peu. Dis hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Et c'est tout. Et voilà. Et non, tout. Tu dis muy bien et tout. Muy bien et tout. El, la cuenta, por favor. Et voilà. Et voilà. La fiesta. ¿Dónde está la fiesta? Ouais, vamos a la playa. Vamos a la playa. Oh, oh. Vamos a la playa. Et una cerveza, por favor. Ah, si. Una cerveza, por favor, c'est une bière, ça. Ouais, ouais. Ah, d'accord, okay, d'accord. Et une chupita, mais sans. Oula. C'est plus tard. C'est plus tard. C'est quoi une chupita? Chupito, chupita. Chupita, chupita. Ah, un chupito. Chupito, si. Chupito, c'est les chats, non? Non, ouais, c'est... t'as fait le geste, mais c'était pas les chats. Ouais, c'est ça, c'est un truc. Mais il y a un cum devant. C'est un chat, mais il y a un cum devant. Un pour ça. Chupito ou chupita? Non, mais un chupito. Un chupito, c'est un chat. Oui, c'est un shot. Ah non, oui, mais la chupeta, ah non, he's talking about something else. Oh, what are you talking about? Bah, Pietre. J'ai l'impression que chupeta, ça veut pas dire pipe du tout. C'est pas ça? Mais si, c'est ça. Chupar, c'est sucé. Ouais. Blowjob en anglais. Oui. Ah, chupar. Chupar, voilà. Like a lollipop, for comme example. Chupa-choups. You know? Voilà. Yeah, voilà. Ça y est, vous avez attendu approximativement une minute. Est-ce qu'on peut continuer l'émission, s'il vous plaît? On a fait tout notre espagnol, ouais, maintenant voilà. On est tranquille. Vas-y, ma petite Océane, les pose méfonds. Ta question. Alors, j'ai deux questions. C'est, la première, c'est si tu devais faire un featuring avec une star française, avec qui voudrais-tu le faire? Who would you want to work with if you were to do a featuring with a French artist? Mm. Et est-ce que c'est prévu? Is there something in the works? Not yet, no. Alors, but, encore. You know, I think Kenji would be very interesting. Kenji. Yeah, that would be like a Kenji. C'est la même maison de 10. Kenji, Maud. Oh, yeah. Kenji. Wow, we have Maud here. Voilà, j'aimerais faire un petit duo avec Kenji. Ah, c'est pas dur. Bah, no. Si, c'est pas. C'est, ah, bah, c'est dans les mêmes trucs. C'est faisable. Ah, ouais, ça pourrait. I think it's doable. Yeah. Yeah. Maybe also Luan, you know, also that would Luan. Be cool. Yeah. Par hasard. Pareil, il tape dans la même écurie. Pareil. No, she's doing a lot of film right now. Yeah. Oui, elle tourne beaucoup au cinéma en ce moment. Bon, bah voilà, ma chérie, t'as eu ta réponse. Merci. Au revoir, Océane. Bisous en Seine-et-Marne. À bientôt, bye ma chérie. Bye bye. Allez, tu le trouves comment, Alvaro? Tu le trouves beau? Vas-y, réponds-moi franchement. Tu le trouves comment? Il est trop beau. Ah, c'est ça, c'est agaçant. Says you're cute. That's too generous. You know. C'est trop généreux, il dit. Ah, ouais. He's annoyed. Actually, I like if you say it to me. Ah oui, il aimerait bien que ça vienne de toi, Coco. Rêve. Bon. But I've seen like one thing very interesting. I want to say. Attends, il a truc à dire. Quoi? Je trouve trop beau. Oh wow. Je suis flashé, comme si on dit. Flatté. Je suis flashé. Flashé, c'est peut-être sur la route de la radio. Ouais. Bah, c'est bien, non, c'est un beau gosse. Hein. Bah oui, oui. Ouais. Range ta langue, toi, c'est insupportable. Mais depuis tout à l'heure, tu vas, on dirait un escargot. Regarde-moi ça, c'est moche. Oh là là. Mais non, bah, moi je me suis pas collé à lui. C'est mouchoir exprès. Oh là là. Oh, ça c'est dégueu. Mélanie, comment ça va, Mélanie? Bonjour Coé. Bonjour Mélanie. Mélanie Alvaro qui est trop beau. Mélanie. Oui, il est trop beau. Oh là là. À toi. Why can't we see her? I wish, you know, it was funny. It would be cool to see her too. Ah oui, j'aimerais bien voir le visage des auditrices. Oui. Oh, non, des fois, vaut mieux pas. Le futur de la radio, non? Le futur de la radio avec FaceTime. Mais oui, c'est vrai. Mais ouais, ça c'est bien la télé en fait. Ouais, on fait nous aussi des FaceTime avec les filtres Snapchat. Oui. Ouais, with filters. Ah, c'est trop dur des fois. Mélanie, pose ta question, ma chérie. Alors, il chante en espagnol et il fait une version inédite en italien de Libre en duo avec Emma. Ah, et j'aimerais savoir s'il avait comme projet de faire une chanson en français. She knows you sing in Italian as well. Mm-hmm. She wants to know if there's any plans for you to sing in French. Oh, well, the thing is that I actually don't sing in Italian. I sing in Spanish, but the feature sings in ah, like oui. Emma. Emma sings in c'est Emma in qui chante en italien, oui. Pas lui. Exactement. What about French? Yeah, I mean, not me, not yet. Alors, but pas let's lui see. Encore. Yeah, I have to like come back to France much more to improve my ouais, French. Il faudrait qu'il revienne d'abord en France un petit peu pratiquer avant. Oui. On peut lui donner des cours, il vient une fois par semaine. Ouais. Yeah, you can come once a week here and we'll give you classes. That'll be cool, you know. Yes, after X Factor, I'll just come straight après here. Exactement, il revient. Ah oui, du coup, il va falloir qu'il apprenne l'italien aussi. Oui, il parle déjà italien. Il parle déjà italien, je crois. You're doing X Factor in Italy? Yeah. So you have to learn Italian? Oh yeah, that's yeah. I speak Italian. Ah, il parle italien. Try to speak in Italian, just to. Why? Because he doesn't believe you. Just speak to me in Italian. Just to see if it's true. Ma possiamo parlare insieme in italiano se vuoi. Je suis frustré de ne pas parler italien. Ah, il n'est pas de moi. Alors là, il parle hyper bien italien. Panzani. Ah oui. Enfin, putain, il t'enchaîne les langues là. Si, là, subito, là, oh là là là. Ah. Il fait le japonais. Tu vas le voir dans les X-Factor du monde entier. Alors Alvaro. You're gonna do X-Factor all over the world. Oh, yeah, every I language. I hope not. Non, il espère que si, tu vas le bosser. Bon, on se fait le titre en live tout de suite ou pas? Oui. Allez. Are you ready to do live? Oh yeah, for mets-toi sure. en place, vas-y, do let's it. Go. I go, let's go. Let's go to sing. Take the place. Mélanie, là. Take the place. Vamos a cantar. Mélanie. Vamos a cantar. Mélanie, on va cantar. Oui. Je te fais un gros bisou parce qu'il va cantar. Oui, gros bisou. Et c'est important de cantarer, d'accord? Cantarer. Gros bisou, Mélanie. Mélanie, je t'embrasse. Fanny, dans un instant. Fabien, Maddy, Maëva, des surprises. Mais pour l'instant, Alvaro Soler en live. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Oh, oh, oh. Solo te veo, solo te deseo. Mira Sofía, sin tu mirada sigo sin tu mirada. Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime cómo te mira. Sé que no, sé que no, oh, yeah. Sé que solo, sé que ya no soy hoy, hoy. Y mira Sofía, sin tu mirada sigo sin tu mirada. Sofía, que éramos felices, todo ya pasó, sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar, yeah. Y ya no te creo, ya no te deseo, eh, oh, oh. Solo te veo, solo te deseo, vámonos, mira Sofía. Sin tu mirada sigo sin tu mirada. Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime cómo te mira. Sé que no, sé que no, oh, sé que solo, sé que ya no soy yo, oh, oh. Mira Sofía, sin tu mirada sigo sin tu mirada. Sofía, oh, vamos a energía. ¿Y por qué no me dices? Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime cómo te mira. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada. Sofía, ¿cómo te mira? Dime cómo te mira. Sé que no, sé que no, oh, yeah. Sé que solo, sé que ya no soy hoy, hoy, hoy. Mira Sofía, sin tu mirada sigo sin tu mirada. Sofía, il sera le 23 octobre en concert en Suisse, je vous le dis, parce qu'on est numéro 1 en Suisse aussi, ouais, là-bas tous les soirs. Donc en Suisse, le 23 octobre, si vous voulez pas le rater, c'est une tuerie. Bravo, moi j'adore. C'était l'album, l'album s'était classé numéro 1 en Italie et top 10 dans 12 pays. C'est beau. Bravo, c'est beau, hein. Oh, top 10 in 12 countries, the album. I am back. Oh, incroyable. Oui. C'est bien, c'est pas, bien. J'ai pas les paroles. Je suis. Speechless. Tellement. oui. Because I didn't expect all of this, you know, everything was very, very sudden from ouais, last year already. Tout ce qui lui arrive, c'est assez soudain, il s'attendait pas, donc c'est d'autant plus incroyable. Ouais, c'est yeah. bien, je suis content. Bon, par contre, il y a un truc qui va pas, cool. hein. J'en parle maintenant. There is something wrong, though. What is wrong? La page Wikipédia, elle est light. Oh, yeah, Your Wikipedia page is a little light. Ouais. Ah, yeah. Faut qu'il gère sa, son image, sa com. We need some more information. Well, yeah, it's your image, you know. Bon. Yes, we need to improve that. Je vais t'aider. He's gonna help you. Oh, okay. Uh-oh. Very good. Faut que tu trouves un nom à ta communauté de fans. You have to find a name for your fans. Bon, alors moi j'ai. I have one. Ah, t'as quoi? What is it? It's Solerinas. Solerinas. A lot of them already call themselves like that. Bah ouais, le problème c'est qu'elles s'appellent déjà comme ça. Oui, bah elles vont changer aussi. Voilà. C'est pas sur Wikipédia. Non, alors, on a les Alvarettes. Les Alvarettes. Comme les crevettes, non, les Alvarettes. Les Alvaris. Ou les crèmes solaires. Ça, ça peut marcher. Crème solaire. Crème solaire. Les crèmes solaires, I like that one. Il aime bien. Yeah. Pour la France, les crèmes solaires. Les crèmes solaires, vous modifiez la page Wikipédia tout de suite. Ah, il faut que tu fasses un. Ah ouais, il faut que tu trouves un acte héroïque. Tu vois, par exemple, en France, on a M. Pokora qui a sauvé David Ginola. C'est vrai. You have to like put something heroic you did on your page. Oh, heroic. Yeah. Alors, like saving a dog or something. Exactly. Oh. Alors, un chien peut-être pas, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Je t'en propose deux. T'as fait un bouche à bouche à Cristiano Ronaldo qui avait fait un infarctus. You did a mouth to mouth to Cristiano Ronaldo who was having a heart attack. Bon, depuis vous okay, êtes what is the other option? Surtout, l'autre option. L'autre option, t'as sauvé, si vous êtes fan de foot, hein, t'as sauvé Messi de la noyade dans un pédiluve. You saved Missy from drowning and you know those little bassins of water when you go into a public pool? Voilà. Ok, là c'est Elliot. T'as sauvé Messi. T'as sauvé Messi. Oh. Mais Messi. Ok, okay, we're putting that one. Messi. No, no, no, no. No, no. Well, yeah, I don't know. They're both terrible. Les deux sont atroces. Messi. He chose Messi bon, for you. Alors maintenant, il faut qu'on trouve un scandale parce que dans les pages Wikipédia, il y a toujours un scandale. There's also has to be a scandal. Yes, now je te propose talk. Une sextape avec Penelope Cruz. Sextape with Penelope Cruz. Oh, okay. Alors là, ou une sextape avec Tom Cruise. Or with Tom Cruise. On est dans les Cruise, hein. On est chez les Cruise. Voilà. Ou une sextape avec Elsa, notre traductrice. Or ça fait moins parler. Oh, I think that will be possible. Voilà. Like, for the, ça, you know, c'est bien. It's more believable ouais, because I don't know Tom Cruise. L'idéal, c'est une sextape de toi et lui filmée par Tom Cruise. Ah ouais. By Tom Cruise, that juste would be cool. Fin, ouais, moi je veux bien, ouais. Elle dit pas non, hein. Non, mais non. Ni par filmé par Tom Cruise, ni avec lui. I mean, if you're okay with it, then we I'm take fine. That one. Voilà, okay. On prend ça. Ensuite, il faut qu'on trouve une association dont elle parrain. Ça, ah oui, ça. Oh, you have to be like a, you know, godfather to like une. An association or something. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Il y en a sure. Une, non? There's a one that not already yet, exists. No. Pas encore. No. Alors. On a une association contre la discrimination des bulots gays. Je sais pas comment on dit bulot. Against discrimination bulo. For gay sea snails. Sea snails. Qui a dit sea snail? Sea snail. Ah ouais, c'est ah le sea snail. Ah ouais, parce qu'alors là, ah. Fallait le trouver celui-là. Parce que quelqu'un qui connaît snail. Les mots bulot ouais, en anglais. C'est escargot de mer, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Okay. Moi, j'allais dire un truc de la mer, quoi. Ou une association qui lutte contre le génocide des sapins de Noël après Noël. An association that fights against the genocide of Christmas trees after Christmas. After, oh. Ou pour yeah. Mode de ta maison de disque, une association qui milite pour la peine de mort contre les designers de chez Desigual. Or for Mode, death penalty against the designers of 11 Paris. Yeah. For t-shirt. That is okay. That's just a Spanish t-shirt. Brand, so I have to. I will. I'm for the trees. Le truc des sapins de Noël. Sapin de Noël. Ah, voilà, voilà, personne voilà. C'est personne qui s'occupe de ça. Wikipédia, tu mets ça. On fait encore un bisou à nos auditeurs, on a le temps. Oui, vas-y, alors, je t'en prie. On a le temps. On fait un bisou à Fabien. Fabien. Salut Koé. Salut mon Fabien. Bienvenue chez nous, Fabien. Et bonsoir Alvaro Soler. Ah, salut Fabien. Alors moi j'ai une question pour toi justement. Est-ce qu'on t'a déjà proposé des jurys pour The Voice? Have you been asked to be a jury on The Voice yet? No. Il fait déjà X Factor pour le coup. I think it's okay for now, you know. I don't have to do too much stuff. Ça lui arrange pas pour l'instant qu'on lui ait pas proposé. Ah ouais. D'accord. Tu préfères X Factor? Prefer X Factor. Bah surtout que c'est une émission I mean, I just know X Factor in Italy, you know. I don't know The Voice in The Voice in France. I know Kenji won it, but I didn't. Ouais. I don't know much more. Ouais, il connaît pas trop l'émission en fait. Ah bon, il y a pas en Italie. Ah ok. Ça doit être partout, non? Bah non, je connais X Factor italien. Ouais, I know, of course, I know The Voice, but I mean, every country has its own. Mais moi, ce que j'aime bien dans The Voice, c'est le début. Ouais, moi aussi. Les auditions à l'aveugle. X Factor, j'aime bien le délire de. But then you have to watch X Factor Italy. My team is the best. Ah, son équipe est la meilleure. Ah, c'est le même système. Ils ont une équipe aussi comme dans The Voice. Oui, c'est pareil. En fait, c'est comme The Voice, sauf le fauteuil. Exactement. Ouais, c'est, like c'est une équipe avec. Non, c'est pas ça. C'est les teams sont. Non. Mais sont c'est ça, ils ont des teams. Quatre teams avec une team c'est les band, une team c'est les under. Ah oui, c'est vrai. Under femmes. En fait, ils ont une team groupe, une team avec un mec, enfin mec, femme, mec. Et avec plus de 25. Ouais. D'accord. Ok, ah oui, c'est pas pareil. Donc, je te fais un bisou, Fabien. Merci, bisous. Adios. Thomas Pompoto, Alvaro Soler et notre invité reste avec nous. Il y aura Maddy, Maeva et on fera une surprise dans un instant, quelque part dans les étages. Je peux pas vous en dire plus. Nous allons tenter de faire une surprise ici. Alvaro. Avec Alvaro. We're gonna do a surprise with you. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Somewhere in the building. Mais on peut pas en dire plus pour l'instant, sinon tout va se savoir. À tout de suite. Que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Y es la favorita la que canta la zona, se mueve su cadera como un barco en la sola, tiene los pies descalzos como un en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti, aquí yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si en que algún día le muestras en Tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona. Llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si a mi pique tú le muestras en Tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona. Alvaro Soler est avec nous sur Énergie. Ça va le public? Ouais! Moi aussi, ça va bien. Dans un instant, on distribuera du plaisir. Alvaro Soler, vous pouvez pas rater, c'est ça, vous l'avez entendu en boucle. Je connais pas les paroles, mais j'adore. Alvaro, il est temps de dire ne bougez pas. Repeat after me. On ne bouge pas. On revient dans un instant. On revient dans un instant. Juste après une petite pub. Juste après une petite pub. Voilà. Voilà. Et pas pour des iguales. Et pas avec des iguales. À tout de suite, restez avec nous sur Énergie. Vous gagnez sur le pack énergie Apple Lady Gaga. Ah bon ? Avec le tout dernier iPhone, plus l'iPad Air 2. Dès que vous entendez le double hit énergie avec deux hits de Lady Gaga. À la suite. Ah.

On distribuera du plaisir quelque part dans l'immeuble ici à Énergie. Et alors, Alvaro, il y a une info qui est sortie qui dit quel est le jour de la semaine avec l'heure précise où on envoie le plus de sextos qui seraient les plus intenses. Non, c'est une vraie info, attention, c'est une vraie info. Where they're the most intense. Tiens, commençons par toi. Elsa, oui. C'est le moment d'après toi qui est le plus chaud pour toi. Bah, le soir. Quelle heure? Allez, j'ai besoin d'un jour, d'une heure. 23h30. Quel jour? Jeudi soir. Okay. Ah, jeudi soir, jeudi soir, 23h30, ouais. On sait qu'on peut lui envoyer des saloperies. T'es chaud, là. Gaguette, d'après toi, quel jour? Vendredi soir, 22h30. Ok, Pietre. Ça dépend à qui, à ma femme ou... un pote. Parce que moi, il m'en envoie le lundi. Des sextos. Ah, dès le lundi matin, moi, ça part pour lundi bien commencer. Ouais, lundi matin. Ça commence bien, oui. Ça, bah, c'est Julie. Le premier, quoi. Moi, j'aurais dit vendredi 16h, dans l'après-midi. Oh, histoire de chauffer un peu avant. Ah, genre, tu gères ton boulot, je suis là dans 10 minutes, prépare-toi. D'accord. Ok, Alvaro, quelle heure? Quelle heure et quel jour? Oui, samedi, je pense. Ah, t'es très samedi, toi. Oui. Samedi, allez... Non, dimanche. Ah, ça vient de changer. Elle est 7 in the morning. Ah, 7h du matin. Ah ouais, t'es chaud patate, il toi. Est du matin. Après, 7h du matin le dimanche, je me demande où est-ce que je peux trouver des croissants, mais... S'il y a un dimanche matin, tu m'envoies un SMS, j'oserais jamais l'ouvrir. Yeah, don't send him a text at 7 a.m. on a phone. Won't open it. Eh ben, je vais vous le dire, c'est pas ça du tout. Madame Desigual, Maud, elle dit... Madame Desigual. On va l'appeler Daisy, d'ailleurs. Desigual. Ah, il y a écrit un mot sur son t-shirt. Madame Gaul. Daisy, quel jour, quelle heure t'envoies un texto chaud? Comme Elsa. Jeudi soir, vers 23h. On fait tout ensemble. Ouais. Et bah vous allez être calmés direct. Personne m'a donné le bonheur. Ah bon? Mardi. Mardi? Pourquoi mardi? 10h midi. Mais non. Pourquoi? Alors, pourquoi? Et pourquoi? Ouais. C'est le manque du week-end qui se fait ressentir. Je sais pas, c'est parce qu'on pense à le week-end, non? Et il faut travailler par les week-ends. Bah ouais, c'est ça. Il faut laisser un peu de temps pour travailler le truc. Je sais pas. Ouais, beaucoup de temps. Je vois ça. Hein. C'est ouf, t'as vu, ça. Ouais. Pourquoi mardi? Le retour du week-end. 10h et midi, c'est bizarre. Moi, ça, je suis dedans. Ça correspond à la plage où je suis dedans. Ah ouais? De toute façon, moi, c'est entre lundi matin 8h et dimanche minuit. Donc, globalement, le pic, il est là. Reste avec nous, Alvaro Soler est notre invité. Dans un instant, on fera plaisir. On aura Maddy au téléphone. Tu bouges pas, Maddy? Oui. Alors ne bouge pas. Pour l'instant, c'est une exclue. Ce que vous allez entendre, c'est le nouveau titre de David Guetta qui s'appelle comment? Attends, je demande à notre réalisateur. Will I lie to you? Okay. Will I lie to you? En anglais première année. Will I lie to you? Nouveau Guetta. We'll be right back. Cristal chez Koei sur Énergie. Allez, matez la vidéo, suivez-nous sur notre chaîne YouTube. Dès que vous entendez un truc dans l'émission, vous allez le mater, vous verrez tout. On a Alvaro Soler qui est notre invité ce soir. Tiens, en parlant de... Oui, qu'est-ce qu'il y a? What does your Instagram... Because you don't follow... You follow zero persons. Non? Yeah. Yeah. Ah, je suis personne sur Instagram. How is your home screen? How is like your... I thought, how can you be like that? How can... Je suis personne. Si, c'est moi. Non, c'est toi. It's him, but he doesn't follow anyone. And your home screen, like... No home screen. Ton fond d'écran, c'est quoi la photo, c'est quoi? Si tu vas aller home, c'est la page. Bah, du... Accueil. On accueille. How to go on Instagram. Tu tapes sur la photo. Oui, c'est ça. C'est toi. T'as tes photos à toi. Et tu likes tes photos. Oui. À toi. Ah oui, c'est ça. Du coup, t'as que tes photos qui passent. Ah ouais, tu vois pas ce que les autres mettent. Ah, mais c'est nul. Ah, c'est énorme. Ah bah oui. Ah oui, du coup. Ah oui, bah oui. Il y a aussi les spectateurs. C'est le but d'Instagram. C'était le but de son Instagram. Excusez-nous, on était en train de parler d'Insta. Mais les deux dans le monde qui font ça, c'est lui et Zlatan Ibrahimovic. Him and Zlatan. Ah really? They don't follow anyone. That's, yeah, that's énorme. Je suis le Zlatan de la radio. Ouais, c'est comme ça. Je suis personne. Je suis désolé. You know what we can do? You know, you can have one follower if you want. Tu pourras avoir une personne. Ah, attends, je vois. Genre. That like who, for example? That could be me, for example. Voilà, comme par hasard, ça peut être Alvaro. Tape là. Allez. Yes. Non. You win. I tried. Mais pourquoi tu suis personne? Parce que c'est le but pour le coup de voir les autres et les photos des autres. Mais parce que en plus, mais parce qu'au début je me suis dit tiens j'ai oublié de suivre des gens et maintenant je trouve que voir marqué zéro ça fait pas mal. Mais tu sais qu'il y en a qui nous a tous, zappé. Hein. Soprano. Il nous a enlevé. Il a viré tout le monde. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Bon, écoutez, tiens, Maddy, justement, elle avait une question sur les réseaux sociaux. Ça va, Maddy? Ça va et vous? Ouais, ma chérie, vas-y, je te présente Alvaro. Donc, j'avais une question. Oui. Je voulais savoir quel réseau social il utilisait le plus et lequel il préférait. She actually wants to know what social network you use the most or which one you like better. Lui-même déjà. Instagram et lequel il aime. You handle préféré. Them yourself? Oh yeah, yeah. Ouais, alors Instagram c'est son préféré. Instagram est mon préféré et aussi Snapchat. Et Snapchat, ouais. D'accord. Mais Snapchat si je trouve que Snapchat est plus pour les histoires plus personnelles et anche bon non, anche je sais pas. I speak Italian and French mix. Yeah, like for like stuff? yeah, more of the personal stuff, like stories, like maybe now today I'm going to do a Snapchat right now. Actually. Ouais, genre là il va snapper. And, but Instagram is more of your pictures, you know. C'est ça en Instagram, fait. Instagram c'est des photos. C'est vrai que Snap des fois par exemple j'ai filmé mon frigo il y a deux jours. Je dis pourquoi? Refrigerator on Snapchat. Je sais pas, mais les gens aiment bien. Tu filmes ton frigo, les gens ils disent ouais ils mangent comme nous. Say hello. Ah ça Snapchat, excusez-moi mais même les gens qui sont dans le public sur Snap, on est d'accord, on fait que des merdes, on filme que des trucs inintéressants. Quand il est 23h30 on dit qui pour snapper, qui est là, voilà mon daron, voilà mon enfant, c'est que des trucs inintéressants Snap. Mais les gens qui te suivent ils aiment bien les trucs inintéressants. Bah c'est ton quotidien, ils ont l'impression de ta vie. It's interesting if you do one thing that's specific like today if you have a promo day in Paris then you just do a snapshot of the whole promo day. Oui voilà, quand t'es en promo par exemple une journée à Paris bah tu fais des snaps tout au long de la journée. But if I'm at home I'm not gonna do like hey me in my bed. Voilà, tu vois, lui par exemple il va pas montrer son frigo ou son lit s'il est chez lui. Attends, j'ai un très beau frigo. Well, he has a nice refrigerator, so he wanted to show it. Mon frigo tu fais ça, pas... toi, tu montes ton frigo, non? Bon, si, je l'ai fait. Ah bon, ouais, tu regardes toujours. Mes snaps, ça fait plaisir, connasse. Non, je regarde pas. Je regarde que les miens, il y a que ça qui m'intéresse. Ouais, comme toi. Ah, le parc. Oh, le zoo de Beauval. Oh, petit. Ah, ouais, j'avoue. Tu regardes son snap, t'as l'impression de regarder la 5. Un reportage animalier. Allez, bisous. Ça marche bien, hein. Bisous, ma petite Maddy. Snapchat is boring. Je t'embrasse. Maëva, à toi. Salut, Koé. Salut, c'est moi, c'est Alvaro. Salut. Salut. Il est en train de t'appeler. Hola. Vas-y, Maëva. Comment ça se passe? En fait, je voulais savoir si ce bel espagnol nous vient d'Espagne, mais je voudrais savoir où est ta bite. Où est ta bite, pardon. Où est ta bite? Ouais. La meuf, c'est la chute. Il l'a laissé en Espagne. Il voyage sans, c'est une surcharge sinon. Parce que là, il va falloir que j'explique. Je peux savoir où est ta bite. Je vais te l'expliquer. It's your curse. Ok, so. French? Pardon. Je suis gênée là. The word, putain, là, ça tombe sur moi ça. The word dick is bit. Holy shit. And to say where do you live, she would say où tu habites. But instead she said où est ta bite, where is your dick. In Spain. It's here. Elle te salue et elle te dit bonjour. I still haven't lost it, you know. Il l'a pas encore perdu, non, elle va bien. Non mais la question c'est I live in Barcelona. In Barcelona. Really? Oh, okay. Pour de vrai, il habite à Barcelone. In Barcelona, oui. Barcelona. Oui, à Sant Cugat. C'est une petite village d'accord, à côté oui, de Barcelone. Next to, à côté à Barcelone. Ah, voilà. Moi, j'ai reçu... Ah, je me sers de la radio deux secondes, il faut que je demande à un compatriote espagnol. Je lui demanderai tout à l'heure un truc, parce que j'ai reçu plein de trucs de... De quoi? De maisons au soleil, sur la plage, en Espagne, mais je ne connais pas... Oh, he needs your help for renting a house. In oh, Spain, okay. Je dirai ça tout à l'heure. Si, si, à la Costa Brava, non? Non, non, au-dessus. Bah si c'est ça Costa Brava, c'est Barcelone, tout ce qui est au-dessus de Barcelone c'est Costa Brava. Barcelone alors en Barcelone t'as des villes entières pour 1 euro là-bas hein. Bah, la Barcelone jusqu'à Perpignan c'est la Costa Brava. Ah c'est pas là je te dirai je vais acheter le sud de l'Espagne pour 4 euros je crois. Te dirai. Bon, je te fais un gros bisou Maïva, je t'embrasse fort. Bye. Justement on a merci pour la question. Alors j'ai besoin de toi. Surtout ouais. Il habite encore en Espagne avec sa bite. Et donc qu'il a ici aussi. Donc est-ce qu'on peut j'ai besoin de toi Alvaro. Ah oui. Parce que tu sais, moi je vais aller en Espagne, je vais aller faire un tour, j'ai besoin que tu m'aides à dealer l'hôtel, je ne parle pas espagnol. Mmh. Donc je compte sur toi, mais tu te présentes, hein. Bonjour, voilà. Je suis Alvaro Soler. Je suis l'assistant de Koé. Non, je suis une star. On y va dans comme un instant. Comme ça, il va le mettre bien. J'aurai besoin de toi, ne bouge pas, on s'en occupe juste après ça, tout de suite on revient sur Énergie. Vas-y, reviens, va bien. Et mon frère, de même galère, tu vois, tout est possible. Être fier d'honorer nos pères nous rend invincibles. Pour le droit au respect qu'ils nous ont inculqué, brandissons l'un et l'autre nos valeurs. Pour devenir quelqu'un avec sa dignité, battons-nous jusqu'à la dernière heure. Total chez Koei sur Énergie. Le 23 octobre, si vous êtes en Suisse, ne le ratez pas. C'est où en Suisse? On a l'adresse exacte. C'est un peu grand la Suisse quand même. Do you know where you're going to play in Switzerland? Oh, Geneva, Lausanne, no, in Baloise, as Basel. Basel. Yeah. Basel. That Basel is Baloise. Bâle. Bâle. Balèze. Bâle. Simplement. Bâle. À Bâle. Ouais, à Bâle. C'est le festival baloise. C'est ça, c'est ça. Bon, en attendant, j'ai besoin de toi. On va appeler un hôtel, d'accord? On appelle un hôtel. Hello, I'm Alvaro. Hola, que tal? Je suis Alvaro Soler. Where? À Barcelone. On est où? Barcelone? Barcelone, ouais. Barcelone. Barcelone. But they, okay, but maybe they don't. Okay. Tu dis que je la peur qu'ils savent pas. Tu dis que je ne parle pas espagnol. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Okay. Pour parler à ma place. Oh yes. On y va. But you're also in the conversation. Mais je te dirai des trucs, t'inquiète. Mais ils vont pas t'entendre, ils vont entendre que lui. Oui. Ah oui, oui, bien sûr. No, they're not going to hear him. Ah, just me. Yeah. Yeah. Ah, on est deux. Ah non, him too. And where are we calling? What hotel? À quel hôtel? Le Pullman. Pullman. Barcelona. In a réservation? Si. Réservation. Occupados. Un peu d'information, non? Quelque chose qui est le briefing. Ah, je te dirai au fur et à mesure. Je te dirai. Comment tu dis au fur et à mesure? He'll tell you as you go along. As I go. Recepción Alejandro, ¿qué puedo ayudar? Hola, buenos días. Quería hacer una reserva para un amigo. Déjame transferirlo al departamento, por favor. ¿Perdón? Déjame transferirlo al departamento de reservas. Ah, vale, perfecto. Gracias. Un segundito, por favor. ¿Y le digo? El departamento erróneo. On dirait qu'il saute des mots. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Quería hacer una reserva para un amigo mío que es francés y... Tu es Alvaro Soler. Ah, sí. Exacto. Y lo sé. Yo tengo para un amigo mío que se llama Coe. Do you know Alvaro Soler? Il est Sofía. Do you know? Hola. Hola. Sí, dígame. Vale, perdón. Hay una. Vale. La reserva de mi amigo que ahora me va a decir qué es lo que quiere. ¿Cuántas habitaciones? Combien de chambres? Une chambre. Una habitación. Et avec 10 oreillers, si c'est possible. Demande-lui. Bien casser moelleux. Con 10 cojines, si puede ser, en la cama. Sí. Sí. Parce que je voudrais faire venir des filles avec des big boobs. On peut lui expliquer. Explique, Alvaro. Porque porque mi amigo francés es sí, muy promiscuo. Lo entiendo. Sí. Uh-huh. Ah, ¿lo ha entendido al francés? Sí. Ah, sí. Compris, vous parlez français? Oui. Sí. Ah. Oui, J'ai des copines avec des qui vont venir. Oui, j'ai bien entendu. C'est pour ça que je voudrais 10 oreillers. Ok. Vous notez? Alors, est-ce que je peux avoir la date, s'il vous plaît? Oui, c'est pour dans 3 week-ends. Alvaro viendra avec moi. Et du coup, elle connaît ou pas? Est-ce qu'il pourrait descendre nu à la réception? Parce que c'est son truc, il aime beaucoup ça, être libre. C'est possible? Dans le sauna. Dans le sauna? Non, non, à la réception. with the boletas, comme ça, la xade. C'est classe. Un cafetos, et tu repars, comme ça. Cerveza, por favor. Possible? Madame? Est-ce possible? Est-ce possible? Non, non, lo es. Ah, on peut pas descendre tout nu. With a slipos, avec un calzones. Calzones. Non? Non plus? Non. Non. Pas sympa le Pullman. Pas très drôle. Pas très sympa. Hein. Moi j'ai connu des Pullman plus sympas que ça. Hein. Je suis désolée. Bah oui, il y a des désolé, peut-être, mais pas sympa quand même. Hein. C'est quand même Alvaro Soler, écoute quand ouais. Même, merde. Vous connaissez Alvaro Soler? Le star. Oui, je connais. Bah alors. Dites-lui bonjour, il est là. Sí, no. Y a des milliers de filles qui rêveraient de... Sácame de aquí, los franceses me han cogido. Ah, il a dit, sors-moi de là, j'ai compris. Tu l'as dit? Sortez-moi de là, il a dit. Madame, c'est quoi votre petit prénom? Nuria. Nuria? Voilà, eh ben je vous fais un gros bisou, Nuria. Vale. Nuria era una... bueno, obviamente, ya lo sabes, ¿no? Era una broma. Il a compris que c'était une blague, il a dit. Nuria, ça marche? A bientôt. Ciao. Wow. Adios. Donc, c'est pas la folie quand même. Non rigolados. J'espère que t'es jolie parce que. Rien. Ça sent la fille trop jolie ça. Ouais, trop c'est ça. Tu l'imagines comme ça avec son truc. Nuria, non, non, je t'avais pas. Ah. Non, pas très content. On a le temps pour un ouais, autre. Fais un non, fais un autre. pas un hôtel que tu connais, ça me gênerait. Yeah, not a hotel you know though. Majestic and Spa à Barcelone, tu connais? Non, Majestic and Spa. Majestic, yeah. Hotel Majestic, yeah. Oui. I know that one. Yeah. Tu connais? Je connais. Bon, on les appelle alors. Aïe, aïe, aïe. Hola, buenas tardes. Queríamos hacer una reserva, yo para un amigo. Bueno, en realidad venimos juntos para... Déjeme que pregunte a mi amigo francés cuándo queremos venir. Sí, pero para una habitación. Sí, tengo que... A ver, ¿cuántas habitaciones? Combien de chambres? Ça dépend de combien de filles on ramène. Para mí una y para él cuatro. De acuerdo, le paso con reservas, un segundo. Gracias. Alors déjà, il se dédouane, il en a pris une pour toi et quatre pour lui. Hein. Enfin, une pour, quatre pour lui. J'ai pris une pour moi et quatre pour toi, pour le fille. Pour la fille. Qu'est-ce qu'il parle vite, c'est incroyable. Ouais, c'est ouf. Bits à la seconde. Pardon ? Pardon ? C'est ton rêve. Elle a 10 bits à la seconde. Elle craque. Ah, vous avez... Bonjour, 10 bits à la seconde. Elle débite à la seconde, j'ai dit. Ouais, bien sûr. C'est grave. Vous majestez, vous bonjour monsieur, vous parlez français ? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous parlez français ? Bonjour monsieur, je suis l'attaché de presse de Alvaro Soler. Vous connaissez ? Alvaro Soler, vous savez, elle est Sofia Nina. Vous voyez ? Oui. Voilà, et il voudrait venir dans votre hôtel, il adore votre hôtel. L'hôtel Majestic ou le Murmurine, monsieur ? Le Majestic, monsieur. Majestic. Voilà. D'accord. Vous voulez parler avec notre. Vous voulez parler avec les relations publiques ? Non, vous embêtez pas, il est resté très simple. Très, très simple. Alors voilà, par contre, il lui faudrait une dizaine d'oreillers. Mm-hmm. Parce qu'il va venir avec beaucoup de filles. Ah bon? Eh oui, c'est les stars, les chanteurs, vous savez. C'est... Donc ce sera pour quelle date, monsieur? Quand tu veux venir? Quand? Ah, la semaine prochaine. Semaine prochaine. La semaine prochaine. Voilà. Si vous pouviez aussi lui repeindre les murs en rose, parce que c'est une star et il aime que dormir, il faut changer la couleur. C'est possible ou pas? Non, je crois pas, monsieur. Allez, fais un effort. Pour quelle date, la semaine prochaine, quelle date, monsieur? Mardi, mercredi. Mardi. Mercredi. Et mercredi de nuit. Hein. Alors voilà, prévenez les voisins autour, ça fait du bruit. Hein. Les nuits sont agitées. Hein. Bah, c'est bien, il faut avoir de l'énergie. Il a de l'énergie, il dit que t'as beaucoup d'énergie et tout. Voilà. Bon, c'est réservé. Tu donnes ta carte de crédit. Non, oui, comme ça. Je cherche la disponibilité, là. On vous laisse réfléchir, on revient, d'accord? Bougez pas, je vous laisse réfléchir. Quand tu veux la carte de crédit, t'as pas confiance? I thought it was a present, you know. I thought you invite me to my c'est city. C'est pas cadeau? I invite you to Berlin if you want. Ah non. Je pensais que tu l'invitais et lui, t'as invité quelque part en retour. Ah, non. Non. Tiens, dans un instant, on fera un cadeau à quelqu'un dans l'immeuble, à tout de suite. It was funnier like this, yeah. Tous les matins sur Énergie, à 7h05 et 8h05, Manu double votre salaire. Delphine de Moigny sur École dans l'Essonne ? Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Manu ! Delphine, oui. 1 448 euros, c'est ton salaire, je vais le doubler, tu m'as touché, écoute-moi bien. 2 896 euros. Oh là là, je suis super contente, merci beaucoup. Retrouvez le règlement et inscrivez-vous dès maintenant sur énergie.fr. Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-9. Moi, pour le jeu vidéo, c'est la nouveauté avant tout, comme la nouvelle PS4 ou FIFA 17. Ah, moi, pour le jeu vidéo, c'est le prix qui compte. Moi, c'est la nouveauté et c'est Leclerc. Ah non, c'est le prix le plus important. Et moi, je vais chez Leclerc. Leclerc ? Découvrez la nouvelle PlayStation 4 1 Tera et FIFA 17 pour 349 euros seulement chez Leclerc. Voir modalité de l'offre dans les magasins participants, prix maximum conseillé. Un pour tous. Non mais j'ai trop hâte de les voir. Je connais déjà toutes les chansons par cœur. C'est mon livre préféré. Tous pour un. Les Trois Mousquetaires, l'expérience musicale la plus spectaculaire de l'année. Plus de 40 artistes sur scène, des tableaux et des chorégraphies à couper le souffle. Un décor grandiose. Rendez-vous à partir du 29 septembre au Palais des Sports de Paris. Avec Énergie, it's music only. Et voilà, c'est terminé au stade 42. L'équipe de la fibre a largement dominé les débats. Quelle vitesse! Bravo la fibre Free! Avec la fibre Free, passez à la vitesse supérieure. Débit descendant max théorique jusqu'à 1 gigabit par seconde et débit montant jusqu'à 200 mégabits par seconde. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre. Plus d'infos sur free.fr ou au 1044. Leclerc. En ce moment chez Leclerc, avec les super pouvoirs d'achat, le téléviseur LED Ultra HD 4K ailleurs, 102 cm, est à 299 euros. T'as acheté une télé. Tu m'étonnes. Une télé comme ça, à ce prix-là. Du 27 septembre au 1er octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le téléviseur LED Ultra HD 4K 102 cm ailleurs, avec 50 euros de réduction immédiate, est à 299 euros, dont 2,24 euros d'éco-participation après réduction. Voir modalité dans les magasins participants et sur le site i-tech.leclerc. C'est ça, les super pouvoirs d'achat. Ce soir, Alvaro Soler s'installe chez Koei sur Énergie. Très content qu'il soit là, vraiment. J'espère que tout va continuer de marcher et tout, vraiment, parce que t'es un mec très bien et qu'on adore ici dans cette émission. Merci beaucoup, merci pour le support. Ah, tu les comprends les compliments. Hein. Ouais, voilà, il a tout fait en fait. Hein. Il se débrouille vachement bien en français quand même. Non, mais c'est vrai, ça nous fait plaisir. Il y a des gens, des fois on reçoit, on fait. Puis il y a des gens, on est content de les recevoir. C'est vrai. La porte est ouverte. Elle porte à dos. Mais c'est ouvertas. Ouvertas. La porte à dos, abierta. N'importe quel moment de tos. Vraiment. N'importe quel moment. On est bien là en espagnol. Hein. Ah, on est hausse à la fin de chaque mot. Quoi. Révisez votre espagnol. Ah, avec c'est, ça. C'est important. Bon, alors je voudrais faire une petite surprise. Uh-huh. On a regardé, puisque le titre Sofia, donc c'était pour une fille évidemment. Oui. Sofia, on a regardé dans tout l'immeuble d'énergie, il n'y a pas de Sofia. Non ? Non. Non. Oh, c'est pas possible. Ah, t'aurais, t'aurais pris de la Isabelle, de la Virginie, de la Julie, oui. Il n'y a pas de Sofia. Il n'y a pas de Sofia. Virginie. Non. Non. On en a trouvé. Et non. Vraiment pas. On en a trouvé. On en a trouvé une au quatrième étage d'énergie. C'est quel étage? Quatrième étage. C'est ça. J'ai bien compris, quatrième étage, c'est quatrième étage, mais c'est l'étage de quoi? C'est quel étage? Oui, mais quel c'est l'étage, qu'est-ce qu'ils font? Bah, justement, on passe devant, moi je comprends pas. Il y a beaucoup de choses, il y a de la communication, il y a internet, il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a les événements, il y a plus de choses. Et il y a une jeune fille qui s'appelle Lucia. Lucia. Ah, Lucia, ok. Lucia. Si. Lucia est la seconde option pour la chanson. Ah, voilà. Eh bah écoute. Mais j'ai une chanson Jack qui s'appelait Lucia. Ah oui, bah bon. Voilà. Eh bien, écoute, nous allons monter vers cette demoiselle. Elle n'est pas au courant. Non, il y a encore des gens qui bossent, elle n'est pas au courant. On va y aller avec l'équipe et quand on va la voir, lui chanter la petite chanson. Nice. Ok, okay. Let's go. Bon, viens, on y va. Prends le micro. Allez, c'est parti. Alvaro, oui. Do you hear me? Always, I hear you. Ok, let's go, the big voice. Allez, on y va. Donc nous allons monter. Vamos. Attention, vous êtes. Hey, les amis, vous attendez la chanson. Laissez passer la star, Elsa Najar. C'est pas de toi dont je parle. C'est Alvaro. Passe devant Alvaro là. Non, mais on a vu des vieilles femmes et les enfants d'abord. Wait, I need to like. I have. Eh, parce que depuis tout à l'heure, on se fout de la gueule de Maud en Désigole, on n'a pas vu Madame Najar. Ouais, c'est vrai. C'est, on dirait un mannequin Désigole de 82. Allez, on y va, ça va être serré dans l'ascenseur, mais on y va. On y va. Il est où la guitare? Elle est là. L'ascenseur. Alors, nous entrons tous dans l'ascenseur. Alvaro, tiens. Si à un moment donné, dans ton casque, ça fait si, c'est pas ça, trop. Ça marche quand même. Si, je sais, ouais, parce que l'ascenseur est un peu. Chut. C'est, nous allons. La guitare, voilà. Oui, comme ça. Nous donnons la guitare. Voilà. Nous équipons avec. Je lui tiens le micro. Voilà. Nous allons donc voir Lucia, c'est sur ça gauche, c'est sur la gauche. Très bien. Nous partons dans les étages d'énergie, donc avec un travail incroyable. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, c'est là-bas, nous allons dans le fond, bonjour. Faites pas semblant de bosser, hein. Bonjour, Lucia, 3, 4. Lucia, sin tu mirada, sigo sin tu mirada, dime Lucia. Mira, dime cómo. Sé que no, sé que no. Sé que et voilà. Ah, c'est un désastre. Oui, c'est qu'on lui a mis son bureau. C'est un peu voilà. Alors, fais un bisou. On t'a pas pris la plus moche de l'étage. Pardon pour les autres, hein. Mais voilà. Non, c'est vrai. Il aurait pu être pire. Ouais. Bon, wow. Alors, comme on est plus nombreux, c'est tous ceux qui sont à l'étage là qui vont tous applaudir Alvaro Soler. Voilà. Et on vous Merci. Fait des bisous, bon week-end, on revient lundi, bisous, ciao. Bon week-end. Merci. Tout ce qui est bon va par deux. Les cerises, les Twix et Guillaume Radio 2.0. Pendant deux heures, de 22h à minuit. Du lundi au vendredi, sur Énergie. Allez, de retour, c'est parti sur Énergie. On est en direct à 21h58. On a même deux minutes d'avance, c'est gentil quoi aujourd'hui. On est là jusqu'à minuit. Guillaume Radio 2.0, nous sommes en direct. Attention, le match du direct du vendredi soir. Là, on est le 30 septembre. Il y a du foot ce soir. On va se tenir au courant des scores pour vous prouver qu'on est en direct à chaque fois. Si vous voulez venir à la maison, comme d'habitude, le standard est allumé. Le standard est gratuit par SMS. Mais vous pouvez y aller aussi en tapant Guillaume et votre message là aussi 11-12 pour balancer une dédicace, une réaction, venir délire avec l'équipe. Ça fonctionne. Et puis sur le standard, vous pouvez nous appeler depuis un fixe au 0800 70 42 48. C'est comme un numéro pour prendre une assurance mutuelle santé là. C'est gratuit depuis un fixe, mais c'est un 0800 70 42 48. Vous pouvez nous passer un petit coup de fil. On sera snake tout à l'heure. Si vous êtes sur la route avec des poteaux en voiture, si vous êtes dans le lit aussi tranquillement en mode repos pour le vendredi soir, on se calera snake avec Justin Bieber tout à l'heure. C'est vous qui faites l'émission, hein, comme chaque soir, les mecs. Vous nous appelez, vous nous racontez un truc qui vous est arrivé. On se fera les jeux, c'est vous qui les ferez tout à l'heure avec le clash de la semaine. J'ai les FIFA 17 encore à vous offrir sur PS4. Et il y a Marie, bonsoir Marie, du 34. Je vais dire bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Ça va ou quoi, Marie? Ouais, ça Enchanté. Va. Tu viens de quelle ville dans le 34? De près de Montpellier, Assas. C'est un petit village. Très bien. Oui. Il y a une marque de fringues, Assos. Non, un site de fringues, Assas. Assas. Non, ça c'est avec un A. Non, je sais, chérie. Non, mais je dis, c'est quasiment pareil. Ça va, Julien Stagiaire? Ouais, ça va très bien, Guillaume. De l'équipe, je vous la présente si vous la découvrez aujourd'hui soir. Julien Stagiaire qui est là. JM du Standard. Ouais, salut Guillaume, salut tout le monde. Julia qui est là aussi. Salut Guillaume, salut tout le monde. Et bonsoir, Flo de Cadeau. Salut Guillaume, salut tout le monde. Il est toujours joué. Il est d'humeur constante. Il a toujours la même humeur. Bah oui, c'est vrai ça. C'est tellement bien que vous soyez là le vendredi. Maintenant, je vous aime, les gars. Salut, gros bisous de Lyon. Merci beaucoup. Salut. Salut Mélanie du 61. On se présente comme chaque soir depuis 4 ans. Le rendez-vous, c'est 22h avec la meilleure équipe. Je vous aime. Salut Emma, la team Yoplay. Gros bisous à toi, Emma. Grosse dédicace à tout le monde. Vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup, Amandine de Somain. Youpi, enfin, vous voilà. Bonsoir, Andrea. Mon bébé Amélie, je t'aime. Aussi, Dylan du 59. Vous pouvez balancer vos petites dédicaces. Elle passe à l'antenne. Là, vous me balancez juste un petit texto. Merde, j'ai pas envoyé le petit 2. Voilà, ça c'est pour dire qu'on est arrivé dans les pays étrangers. Ça déclenche un système de... J'ai jamais compris à quoi ça servait d'ailleurs. Ça active un truc forcément. Ouais, je crois que c'est... Les satellites. Ah les merdes là. C'est la NASA. J'avais oublié qu'on était sur 37. Ah ouais, zappé. Bon, en tout cas, j'envoie le pfiou. Il faut que je le fasse au début d'émission, sinon après je me fais taper sur les doigts, on me dit là. C'est vrai, ouais. T'as oublié. Il y a la pub, elle est pas passée dans tel pays, etc. Bon, alors ça y est, c'est fait maintenant. Si vous voulez venir avec nous, le standard est allumé, hein, Guillaume et votre message. Si vous voulez faire une dédicace vendredi soir en mode à la cool, vous pouvez y aller aussi, hein, Guillaume et votre message aussi. Sans doute, on sera le nouveau Guetta. On l'a découvert pour la première fois, la première mondiale dans notre émission hier soir à minuit. Salut à tous, est-ce que tu pourrais passer sauter dans le vide de Boosty? Merci, vous êtes au top, salut. Vous êtes le top 1, merci beaucoup. Mon amour, je pense fort à toi, tu manques 4 mois loin de toi, ça va être dur, mais je t'attendrai, bisous à l'équipe. J'ai 14 ans aujourd'hui, en cadeau, un râteau de la fille que j'ai... Ah merde. Ah bon courage. Bon anniversaire quand même. Ouais. T'inquiète, dans un an, tu penseras plus à cette connasse. Ouais, on aura une autre. Ouais. J'espère que la blague de JM du Standard sera aussi drôle qu'hier. Ah, Mélanie Chalon-Sanson, merci beaucoup, avec plaisir. JM du Standard, on devait avoir une réponse pour un invité aujourd'hui, mercredi prochain. On l'a pas encore eu. Ah, relancé pour ça. Oh le bâtard. Ouais, ouais. Ah, il se fait désir. Ouais, mais il est costaud, c'est pour ça. Hein. Ah ouais. Suspense, du coup. Ouais, Pierre Ménès, c'est plus que c'était. Hein. Non, mais c'est dommage. Non, mais en plus, j'aimerais bien l'inviter, Pierre. Ouais, grave. Ah, il est sympa, il est drôle. On aimerait bien inviter, ouais. Qu'on trouve sympa et tout ça, là. On aimerait bien inviter Ritza aussi. Tiens, on n'a pas eu Ritza, là. Tiens, dites-moi, alors ça c'est une vraie question. C'est vrai, j'ai besoin de la faire, la liste. Dans les bureaux l'après-midi, je me suis demandé d'ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait inviter dans l'émission qui vous ferait plaisir là, vous ça, manque vous laissez, filles, ça manque de filles en invité. Ça manque. Oui, on a eu que Luan. Ouais, que Luan. Ah, ouais. On a eu qu'une seule fille. Oria et Sanana. Oria et Sanana. Ouais, ah oui, exactement. On a eu les deux youtubeuses. Ouais. C'est vrai que voilà. Mais en tout cas, dites-moi, hein, Guillaume et l'invité que vous aimeriez que j'invite. Guillaume et votre message au 611-12. Bonsoir à l'équipe, une super journée de passer. Mon mari m'a acheté une machine à pain et un nouveau lave-vaisselle. La journée va finir finir en beauté avec vous. Salut Caro du 79. Ah bah salut Caro, bonne soirée. Tu t'es mis bien, dis donc. Le grippin, quoi. Ah mais attends, non, mais c'est hyper important, une machine à pain, c'est trop bien. Bah oui. Ah ouais, le matin, les toasts. Mais c'est un kiff absolu. Le matin, tu te réveilles. Moi, j'avais mon ex qui ses parents faisaient ça. Le matin, t'as du pain chaud, quoi. Rien que l'odeur, ah ouais, en te réveillant. Mais du vrai. Ah non, mais ça, franchement, ah ouais, une machine à pain, c'est pas. Alors, vous avez rigolé, là, d'ailleurs, de dire. C'est un très très beau cadeau. Hein. Ah oui. Flo des cadeaux, t'as daronne. Tu n'as pas machine à pain, t'as daronne. Non, mais j'adore le pain, j'en bouffe. On est content de ça. J'en bouffe pas, donc ça l'émission est intéressante. Ah ouais. Non, et nouveau la vaisselle, franchement, attends, c'est trop bien la vaisselle. Ça aide à la vaisselle. Mais attends, quand t'as pas de la vaisselle, le jour où t'as un la vaisselle. Ah ouais. Moi j'ai déménagé, là j'ai un la vaisselle, j'en avais pas avant. Putain, bah ouais. Ah bah oui. Ça fait plaisir. Non, mais attends, on a beau faire genre. Ah, mais il faut de la place pour ça. Ça change la vie quand même. Comme le lave-linge. Merci Feu. Non mais c'est vrai, quand tu vas à la je suis d'accord. Quand tu vas à la laverie et que t'as un lave-linge. Ouais, non mais ça, je suis quoi. Non, d'accord. Salut, t'es l'homme parfait, game, t'es beau, drôle, intelligent et un coup une copine. Ah bah j'aimerais bien, ouais, mais j'en trouve pas pour l'instant. Je dois être bizarre dans la vie. On est tous un peu bizarres. Ouais, ouais. Invité Pierre Cross, le youtubeur, bah avec plaisir, ah ouais, j'adore moi. Lady Gaga, avec plaisir aussi. Ah bah voilà, une fille. Mais Lady Gaga est un peu dépassée là. Wow, ça restera. Non, elle est un peu tapée. Elle est un peu tapée maintenant, non. Ah ouais. Ah bon. Elle fait vieux trave, donc je rigole. Ah, c'est pour rire. Le grand bal par l'anglais. Non, mais j'adore. En plus, c'était pour rigoler. Hein. C'était pour voir la tête de JM du standard. Moi, je me suis déformé quand je disais ça. Moi, ça m'a fait rire. Ouais, bah, j'ai vu. Mais c'est ça le problème, c'est que tu rigoles plus les phrases. Un peu hardcore. T'allais dire quoi? Elle va faire le Super Bowl là. Ah, donc ouais, elle est pas si dépassée. Bah, c'est pour ça, ouais. Mais elle a quand même eu une époque, à un moment donné, c'était un truc. Ah oui, de là, fou, c'était, hein, la folie, ouais, quand même. Il y a 6 ans, genre, c'était ouf. Salut Guillaume, passe Dieu. Invite M. Pokora, avec plaisir. C'est toujours le bienvenu, Mathieu. Invite Nekfeu aussi. Nekfeu, on l'a invité. Ouais. On l'a jamais eu. Mais je l'ai pas trouvé très sympa sur le plateau du Grand Journal avec la Miss Météo, et je trouvais qu'ils savaient, ah ouais, un peu tous les, ils étaient pas sympas avec elle. Après, ils ont pas trop rigolé. Après la Miss Météo, ouais, elle est un peu. Et je me suis dit, putain, peut-être que le mec il est pas sympa. Ouais, alors que j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'ai même acheté son album. C'est vrai. Alors que j'achète peu d'albums. Ouais. Et ouais, mais SCH, avec ça serait le feu. Ouais. Ah bah bien sûr, on va le faire tourner avec feu. Non, on va le faire tourner. Aussi, je veux dire, oui, on va rigoler avec. Je pense à casquette direct. On va le dévergonder, avec feu. On va lui enlever le balai du cul. Il est pas dans le Grand Journal ici. Sortir, attends, Cyril Hanouna, pourquoi pas? Ah ouais, bah, avec plaisir, ah ouais, invité. Ah, je pourrais lui demander. Maître Gims, Guillaume. Ah bah oui, Maître Gims aussi, ouais, c'est toujours une. Invite Loan, bah, bien sûr. Ça, c'est toujours, elle ils sont est cool. Ils sont tous les bienvenus. Ouais, on a bien rigolé avec Loan. Ouais, bon souvenir. Invité François Damien, ça j'aimerais bien. Invite Amixem, ouais, les gamers. Snake aussi, là. Salut à toi. Ah, Snake, ça serait bien aussi. Ouais. Ah, il y en a quand même, hein, qu'on n'a pas invité, là. Invite D'Artagnan, ouais. D'accord. Ah mais c'est genre merci mon Kevin. Ah oui, merci, ouais, Kevin de Sarcelles. Salut Kevin. Invite Booba, était un dieu. Salut à toi. Ah mais je peux lui demander à Booba. Mais je crois qu'on l'avait déjà demandé. Ouais. Mais il est tout le temps aux États-Unis. Il vient très peu sur Paris. Oui, il a peur de nous, on ne sait pas. Mais... Oui. Non, je sais pas. Invite Kylvé, s'il te plaît. Il vient chez Koé lundi. Il pourrait passer chez toi juste après. Ah non mais moi j'ai. Quand une fille est salie, je la récupère. Il faut attendre qu'elle essaye de se doucher. Hein. Faut lui laisser prendre une douche. Ah ouais. On installe une douche dans le studio. Non, passe moi pas après, nous, hein. Ah, je récupère pas le souillon. Non, c'est pour rien. Après, l'odeur de Kevin, je l'adore, ce mec. Et en plus, il écoute toute l'émission. C'est un pote. Et, bon, j'embrasse. C'est Guillaume dédicace à Nico. François Hollande. On l'a invité, François, ouais, Hollande. N'empêche, hein, pour les élections, très bien. Il y a eu les attentats. Il est jamais venu, lui non plus. Ah, mais il était occupé, peut-être. Il était occupé. Ça va, pour une heure pour nous. Il est occupé, c'est vrai. Un président, c'est occupé. On va pas faire va, genre, ça travaille, ouais, oui, pas. Mais un pas à 22h. Un président s'est occupé, mais un président peut aussi venir parler quand c'est pas les élections et à la jeunesse, bah à, oui, la France, quoi. Ah oui, imagine. Alors, on est 1,5 million écouté émission, ça aurait mérité de prendre une demi-heure après les attentats ou un homme politique. Il y a personne, ouais, qui est venu. Hein. Même moi, le Premier ministre. On a vraiment pris une olive qu'on, ouais, a fait une demande. Ouais. Non, mais c'est clair. Hein. Bon, c'est pas grave. Hein. On aura l'occasion de les revoir. Mais oui, hein, oui, on leur dira. Et quand il vient, exactement. Bah, imagine, François Hollande, il vient à ma place, on lui dit direct. Et bah, j'ai pas peur de lui. Le toi, je te sens nerveux ce soir. Non, je rigole. Je suis le président. Mais tu peux essayer. Voilà, après, je finis. Ce sera ta dernière émission. Moi, ça va me faire beaucoup rire. Pas moi, mais. Le kamikaze, ouais, de la blague. Mec, il va trop loin. Je suis dans le métier juste pour une vanne. Bonsoir, invite Nini, invite. Ça, c'est la sœur de JM du soir. Ouais. Salut les routiers de la night. Salut, man. Salut. Invite Justin Bieber. Ouais, on pourra le réinviter, Justin. Ouais. On l'a déjà invité. Il est venu à 10 mètres. Il a fait demi-tour. Si en fait, il est chez Koï. Ça peut plus, pareil. Il a eu peur, peut-être. Nekfeu est vraiment quelqu'un de bien. Ah, bah alors, on l'invitera. Et on verra bien. De toute façon, nous, on juge pas. Hein. Tu sais, on peut recevoir. N'importe qui. Franchement, on peut recevoir le. la plus grosse des merdes. Et on va rigoler avec. Et on va réussir, et on va réussir à le rendre sympa. C'est ce qui est énorme. C'est que dans cette émission, tu rends tout le monde sympa. Bien, le mec qui vient chez nous, après tout le monde dit putain, il est sympa le mec. Ouais. Salut Eric de Monfion pour faire un câlin geste agir. Oh non, salut. Salut Guillaume, invite Hugo TSR, salut s'il te plaît. Invite Eclipse. Ah ouais, alors ça c'est l'imitateur, on l'avait invité, c'était énorme. Ouais. Invite Claude François. Ah ça, je l'avais promis. Bah oui, j'avais promis que si le hashtag Claude François chez Guillaume Radio devenait top tweet, on l'inviterait. Alors je vais lui envoyer une demande. Bah oui. Et pourquoi pas Ryan Bensetti ou mieux Antoine Griezmann. Ah oui, joueur de foot, ouais. Je dis pas que ça pour son bon boule. Merci beaucoup. Ah, c'est Griezmann. À toi. Ouais, bah on pourra l'inviter. Il a un bon boule, Griezmann. Ah ouais. Merci, Justin. Bah non, je sais pas, c'est un message qui vient de dire. Bah apparemment, c'est, il a un beau cul. Bah je pense qu'il a un cul sportif. De... Il a un cul sportif. Ouais. Ouais. T'as déjà touché un cul de footballeur, toi, bah pourquoi, à quelle occasion, non? Ça t'est jamais arrivé d'avoir une relation. Ça pourrait arriver. Extra-conjugale. Avec une joueuse peut-être de foot, non? Mais Justin Gir est sorti avec un tennisman très connu pendant des années. Non, non, dis pas ça, arrête. Il est sorti avec Yannick Noah. N'importe quoi. Il lui a fait saga africain, le vrai. N'importe quoi. Alors, elle va peut-être commencer l'émission. Marie, 20 ans, alors, t'appelles d'assassin, oui. Représente hein, tous les, ouais, tous les assassins. Assassins ? Pas assassins. Assadins. Tous les assassins. Ouais. Le prince Assadin, merci beaucoup, James Sandard. Ah non, j'ai il allait la faire. Je l'ai vu dans ses yeux. Ouais, j'ai cherché, ouais. Poutine a son heure d'émission sur une radio et parle en direct avec des auditeurs qui appellent à prendre exemple. Alors, je suis pas sûr que les auditeurs appellent comme ça, Babar. Ouais, ouais. C'est pas du hasard. Hein. T'imagines ? Ouais, merci James Sandard. Oh, ça serait énorme. Il est de plus en plus inutile. Non, mais... James Sandard. Ah, mais tu vois ou pas? Et il est l'heure de faire la blague. C'est la tête de toi. Je suis le chasseur. T'es la proie. Ouais, ouais. Ça va être toi. Seul, je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. À croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui, tout va bien. Hier, ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. J'suis pas le number one, mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, du tout, il est yo, yo, yo, yo. Plongé dans le monde de la vie, de l'envie, des ennuis, au derrière, des arrières. Dans un monde où l'ami vient l'ennemi, l'ennemi vient l'ami. On n'est pas dans la merde. On l'écoutera tout à l'heure, Gims, Jules Boucan. Et chaque soir à 22h09, notre standardiste, JM du standard, fait une blague. Ouais. Ensuite, on va retrouver Marie. Tu vas nous raconter que t'as gagné une voiture. C'est énorme. Oh, c'est énorme. Ah, putain, oui, bien. C'est ça. Quelle chance, ouais, putain. Bon, voilà. J'attends. Juste 10 secondes. Parce qu'elle va pas durer plus longtemps, la blague de JM du standard. Elle est pas longue, en plus, là. Elle est pas longue. Elle est pas longue, mais elle est bien. Ah, hier, elle était vraiment bien. Merci, Guillaume. Oui, ah, vous savez quoi? Il y en a qui dit, j'ai pas pu être là hier. Voilà. Non, alors, vous savez quoi? On va réécouter la blague d'hier en 2 secondes. Est-ce qu'elle était vraiment courte? Et c'était vraiment. Non, mais alors, faut le dire quand c'est bien, parce qu'on lui dit vraiment beaucoup quand c'est pas bien. Ah, ouais. Non, hier, on a eu une vanne énorme de JM du standard et elle est pas découpée, JM du standard. Ah, pourtant. Il y a le bug de Flo des cadeaux. Ah non. Il fout de la gueule de Flo des cadeaux. On nous comprend. Et il fait un truc qui est 100 fois moins drôle. Il est énorme. Non, mais on peut te comprendre si t'articules pas. Non, il n'y est pas, JM du standard. Ah ouais, pourtant. Putain, normalement, on est dégoûté tout le temps. Tout le temps, ouais. Ah bah non, on l'a pas. Et bah JM du standard. J'ai l'impression que le producteur s'est foutu de ta gueule. Voilà, on l'a pas. Il y a Jules qui a sorti un nouveau morceau par contre. Attends, il y en a qui disent que je suis dans ma bulle, y'en a qui disent que je fais le capot. Normal, ils arrivent pas à suivre, j'ai plus de 500 chevaux sous le capot. Ce qu'ils ont dit, ça m'a pas plu, mais quand même, je leur tire mon chapeau. Avant, y'avait pas tout ça, normal, j'avais rien dans ma poche. Et il y a le nouveau Booba qui est sorti. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te marier, marier, marier. Ton famille sera prise d'otage. Et on se calme avec les SMS là. Julien Stagiaire a été la maîtresse de Ben Laden. Ça. Arrête, ça va pas ou quoi? Non. Moi dans la même phrase vrai. Que de te perdre des personnes bizarres là, ça va pas. On dit pas ça, on dit pas ça. Bah, on dit pas ça, non. Julien Stagiaire, vous pouvez lui dire ce que vous voulez, non. Mais il y a des limites. Pas Ben Laden. Non, on pas ces connards là. Non, surtout pas. Non. Salut, c'est Camus. Bon courage à tous les infirmiers, première année de Fléria à Bourg-en-Bresse qui vont se faire bisuter comme il se doit. Bon courage, les bisous. Salut les gars, salut les mecs, dédicace à ma chaîne YouTube avec un pote, c'est J.A. Brochet. Bonsoir à toi, J.A. Brochet. J.M. du standard, ta vanne de ce soir, du coup on n'écoutera pas celle d'hier. Ouais, ouais, ça va. Parce qu'on n'a pas fait son travail, J.M. du standard. On a oublié de la découper, voilà. On va faire celle de ce soir, c'est parti quand tu veux. Alors en fait, c'est un mec qui rentre dans un bar, tu vois, un peu énervé. Il s'installe au comptoir et le barman lui demande ce qui lui arrive. Alors le mec il commence à expliquer, il dit c'est une histoire de fou, ah putain Twingo. Et il crache par terre, tu vois. Il dit je viens de faire une sortie de route avec mon camion, ah putain Twingo, et il crache par terre, tu vois. Ah putain de Twingo. Ouais putain de Twingo. D'accord. Et il dit j'étais coincé dans un champ. Là il y a une Twingo qui est arrivée. Alors le mec il est sorti de la Twingo. Il m'a dit qu'il allait me sortir du champ avec sa Twingo. Et là il crache par terre. Putain de Twingo. Il dit alors je lui ai répondu que s'il arrivait à sortir mon camion avec sa voiture, ben, je lui faisais une fellation. Ah putain de Twingo. Elle est mignonne, elle est mignonne. J'ai un stagiaire, c'est la souris de Kadhafi. Non, mais oui, fallait pas dire ça, je suis désolé. C'est fini, c'est le bordel. Non, non, il y aura pire. Souris de Kadhafi, là. Ah ouais, les gars. J'ai un stagiaire, c'était la maîtresse de Charles de Gaulle. Eh, mais les gars. Ah ouais, Charles de Gaulle. Envoyez-moi avec qui sortait, j'ai un stagiaire. Non. Ça va partir en couille. J'ai un stagiaire, c'est la pierre à Morito. Non. J'ai un stagiaire, était la salope de. Non. Déjà, c'est pas une salope, j'ai un stagiaire. Non. C'est un garçon. Comme un autre. Non, les mecs, franchement, il y a des trucs que je peux pas dire. Non, je vais vous dire. Ah, voilà. Il y a des trucs que je peux pas. Je sens mal le truc. Là, vous envoyez des trucs trop sales, les mecs, c'est interdit. Ah, ouais, de dire ça a pas joué. Viens dans la mafia des routiers, je vais m'occuper de ton fion, je viens stagiaire, le routier. Bah, je m'en fous de mon fion. Les gars, ça Falco 13, un jeune vidéaste sur YouTube. Je viens stagiaire, c'est l'esclave sexuel de Donald Trump. Les enfoirés, ça a n'importe quoi. Je te jure, c'est la salope de Deschamps. Les gars, n'importe quoi, putain. Respectez-le. Ah, mais sérieux. Je te jure, super sympa, mais je préfère Flo des cadeaux. Ah, bah voilà, c'est un beau message. Merci. Ah ouais, putain. Salut, je te jure, c'est la pute à Jeanne d'Arc. Non, mais les gars, ça veut rien dire. Non, mais les gars. Salope, mais c'est quoi ce vocabulaire? Je te jure, c'est la maîtresse de Marine Le Pen. Ça veut rien dire, les gars. Marine Le Pen. Gros bisous, je viens signer DSK, les SMS. Ah ouais, Guillaume, et votre message aussi, 11-12. Non, mais je peux pas lire, franchement, les mecs, vous m'envoyez des trucs. Incités, vous vous doutez hein. bien qu'en 2016, sur une radio nationale, je vais pas lire les SMS que vous m'envoyez. Ah et ouais. déjà, je suis gentil, je lis le stagiaire, c'est la salope de Poutine. Hey. La salope, la salope à mes messages. Parce comme qu'en ça. Fait, le principe de cette émission, c'est que je lis vos SMS. Et je me suis toujours engagé à le faire et à pas boycotter et tout ça. Le stagiaire, c'est la cochonne à Poutine. Non, mais les mecs, vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est insultant. Hein. Non, je peux pas lire des trucs comme ça. Non, mais il y en a. Non, mais alors là, ça y est, c'est parti, forcément. Faut pas les lire. Non, mais là, il y en a. Faut passer à autre chose. J'ai stagiaire, c'est la Kim Jong-un. C'est pas drôle. Mais non, t'as vu, il y a les FIFA à gagner. Oui, il y a les FIFA. Ouais. Allez, vous savez quoi? Vous m'envoyez Guillaume et FIFA avec votre numéro de téléphone au 6-11-12. Guillaume, un espace FIFA avec votre numéro de téléphone au 6-11-12. On file les FIFA 17 maintenant. Là. J'ai déjà, c'est la maîtresse de Clovis. Merci beaucoup. Oh, j'ai déjà, c'est le balai à chiottes de But Spencer. Je peux qui c'est. Ah, on connaît pas. J'ai déjà, c'est la petite pute de Mimati. J'ai déjà, c'est la maîtresse de François Emmanuel. Il a refait son intérieur. Salut, Greg du 13. Salut.